Alors on va commencer. Nous accueillons aujourd'hui pour la dernière séance du séminaire, d'avant-dernière, Léna Lassida, qui est maître de conférence ici dans le lieu, voilà, académique, des sciences sociales et économiques, et qui travaille sur la finance économique solidaire, pour une séance qui va être consacrée au thème de la finance solidaire. Au début, on devait être, il y avoir deux intervenants. Dominique Courcel va nous parler également d'un sujet voisin, mais elle a dû aller au CNRS pour une réunion pas prévue, et du coup, elle ne pourra pas être là aujourd'hui. Ce qui fait que je propose, puisqu'elle a prévu de nous parler pendant près de 3 quarts d'heure, c'est qu'à moins qu'il y ait vraiment des questions qui fuient de manière ininterrompue, il y a de 2 heures. Ah, on s'arrête à ce moment-là à 7 heures ou plus tard, sauf si les débats enflammés décident de continuer la séance. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir aussi. Je vous rappelle que ce n'est pas un lieu de recherche et qu'on ne sait pas d'avance, à l'avance, ce qui doit en émerger. Et l'intérêt de ce lieu, c'est de pouvoir faire surgir des introspections et des thèmes qui ne sont pas au début prévus dans les séances. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à proposer des questions, des pistes, et puis également des contre-thèses sur ce qui peut être proposé. Voilà, donc, Léna, je te laisse. On pourrait, parce que moi, oui. Je suis venue juste une fois au séminaire, et donc, et quand on n'est pas très nombreux, faire un petit tour de présentation pour savoir un petit peu, parce que je ne sais pas très bien en fait, d'où vous venez, et puis voilà, pour situer un peu plus, hein, et puis pouvoir favoriser mieux l'échange, en fait. Je pense pas, Christian Valter. Et donc, avec Michel, nous aurions un séminaire, Michel Fortuny. Je pense que tout le monde nous connaît, nous deux, donc voilà, je pense qu'on va passer au suivant. Je suis l'assistante de M. Valter à la Charité des Finances. Alors, moi, je suis Claire de Villarey, je suis professeure de SES, au lycée Passy de Saint-Marc. J'ai passé le CAPES il y a très peu de temps, et donc je suis à Cato pour la formation, et j'ai rencontré Christian samedi, et je lui ai dit enfin, qu'il est donc dont la femme travaillait avec mon mari. Par hasard, et à Passy, dans le cadre de la pastorale, on m'a demandé d'intervenir, finalement ça ne s'est pas fait, sur le microcrédit. Et donc je me suis beaucoup renseignée donc, sur Younous, sur Maria Novak et sur tout ce qui était finance solidaire. Il se trouve qu'on en a parlé, donc c'est pour moi providentiel. D'accord. Ah oui, c'est bien, donc on pourrait peut-être parler mieux que moi. C'est très modeste, moi. Bonjour, donc Nadia Kelly, je suis ingénieure financière chez UFGLFP, qui est un gestionnaire d'actifs, et je m'occupe notamment de tout ce qui est investissement responsable. Moi je suis Jacques Inel, je suis retraité du même groupe, en fait je suis encore conseiller et je suis membre de l'ISMERA, de recherche. Thierry Manouaron, donc moi je suis un peu comme Jacques, un financier d'origine, s'intéressant à tout ce qui est SER, solidaire depuis une vingtaine d'années maintenant, et en même temps je suis professeur associé à Paris. Bonjour Maël, étudiant en thèse à l'UHSS sur les élections de la Satire. Je travaille sur une thèse qui se prénomme pour l'instant vers un système de crédit socialisé, donc une appellation de crédit socialisé. Sur les errements de la finance et le pourquoi du comment les crises sont systémiques et systématiques. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être changer pour arrêter un peu les frais. Vous avez la solution pour intervenir. J'ai plus de réflexion. Vous avez une formation économique, financière Économique, beaucoup plus. Sinon, fait un peu du droit avant, donc je ne suis pas forcément très très spécialisé de tout ce qui est mathématiques financières, mais tout ce qui est ça. D'accord. Michel de Ferroni, je ne suis pas du tout économiste, je ne suis pas du tout spécialiste de la finance, je suis entré dans ces questions parce que dans une vie antérieure, j'étais probabiliste, que l'usage des probabilités sociales et des sciences, je fait un séminaire sur ces questions l'an dernier à l'école et on a fusionné nos projets à la rentrée 2010. Je m'appelle Bruno Théré, je suis chercheur à CNRS. Je travaille sur le plan de modèle de finance, aussi bien public que. J'ai des acquaintances, quelques acquaintances avec l'économie sociale et solidaire. Ah oui, ah bah c'est bien, d'accord. D'accord. Alors, pour dire un petit peu aussi à partir d'où je vais parler un peu de la finance, surtout solidaire, plus que de la finance éthique. Et c'est. Donc, moi je suis. Je suis économiste, mais je ne suis pas financière. Donc, par rapport à ceux qui sont des plus financiers, et là, et vraiment, n'attendez pas que je rentre vraiment dans la logique financière, c'est pas ma spécialité. Et si je m'intéresse un peu à la finance éthique et solidaire, c'est justement à cause de l'économie sociale et solidaire. Donc, je suis responsable ici à la faculté sociale et économique d'un master. En économie solidaire que nous avons créé il y a 4 ans et que c'est un master qui est très pluridisciplinaire et qui couvre en fait tous les domaines de l'économie solidaire. Donc il y a la finance, mais il y a aussi le commerce, la production, les services, et donc vous voyez c'est assez large et avec l'accent mis sur et je dirais former ou aider les étudiants à développer surtout une capacité de mise en dialogue des acteurs avec des logiques différentes, des intérêts différents. Et parce que ce que l'une des problèmes qu'on a souvent constaté dans le domaine de l'économie solidaire, c'est la difficulté pour parler ensemble, de travailler ensemble entre notamment l'acteur entreprise, l'acteur public et l'acteur associatif. Et pourtant, c'est au cœur même de l'économie solidaire le fait de pouvoir travailler ensemble entre ces trois types d'acteurs. Donc voilà, c'est un peu l'accent qui est mis dans cette formation. Et donc c'est un peu à partir de là que je m'intéresse un peu à la question de la finance solidaire. Et alors juste aussi pour vous dire un peu à partir d'où comment je suis arrivée à l'économie sociale et solidaire, c'est moi j'ai fait une thèse d'économie éthiologie. Et parce que vous l'entendez dans mon accent, je ne suis pas française. Je viens de l'Amérique latine, de l'Uruguay, et j'ai été très marquée en Uruguay par un courant théologique qui est la théologie de la libération et qui est une théologie qui s'est pensée toujours très incarnée dans la réalité concrète des populations. Et donc c'est une théologie qui a beaucoup travaillé le lien avec les sciences sociales. Et il a surtout développé le lien avec notamment, je dirais, la sociologie et la science politique. Avec l'économie, pour moi, il est resté toujours dans un discours très idéologique et utopiste. Et c'est un peu ce qui m'a poussé à un peu creuser, travailler cette question du rapport ou de dialogue, je dirais, entre économie et idéologie. C'est un peu le travail que j'ai fait dans ma thèse. Donc, vous voyez, j'ai travaillé à un niveau très, très, très théorique. Et parce que mon intérêt, c'était, je vous dis, parce que d'une certaine manière, c'est la manière dont je pose la question éthique à l'économie et à la finance. Et mon intérêt, c'était pas de. Souvent, quand on confrontait théologie et économie, on restait dans un discours très moraliste, c'est-à-dire l'idée c'était de un peu quels sont les grands principes qui devraient contraindre, de limiter l'action économique. Donc un discours plutôt, une approche plutôt morale, voire moraliste, qui souvent se traduit par, je dirais, une approche plutôt déontologique, donc les fameuses chartes éthiques, pour moi, s'inscrivent totalement dans cette démarche. Et mon idée, je pensais qu'avec cette approche-là, bon, c'est une manière de poser la question éthique en économie, mais voilà, je pense que ça va pas trop loin, et finalement on reste dans l'opposition de deux systèmes de valeurs. Et donc voilà, je voulais voir si on pouvait établir le dialogue entre économie et éthologie autrement. Et donc ce que j'ai travaillé dans ma thèse, c'est autour de la notion de transcendance. J'ai essayé de confronter des modèles économiques et des modèles théologiques autour de cette idée de transcendance, qui est certes une notion qu'on voit très clairement au niveau de la théologie ce que ça veut dire. Et en économie, ce n'est pas une notion qu'on utilise habituellement, mais voilà, j'ai surtout travaillé avec un courant économique qui utilise d'une manière très particulière, mais utilise cette notion de transcendance, notamment pour parler du rapport entre individuel et collectif, qui est l'économie des conventions. Voilà, donc c'est ça le travail que j'ai fait dans ma thèse, et c'est un peu à partir de là que je suis arrivée à l'économie solidaire. C'est pas du tout l'objet de ma thèse, mais en essayant de poursuivre un peu cette analyse de l'économie et cette manière un peu de poser la question éthique à l'économie, voilà, que j'ai vu apparaître, se développer progressivement tout ce secteur avec des frontières très difficiles à établir, qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, et qui me semblait porter un peu des choses, des logiques, des valeurs aussi, mais surtout des logiques qui se rapprochaient un peu aux questions que je posais à l'économie. Donc voilà pourquoi je suis arrivée un peu à l'économie sociale et solidaire. Donc je vous rassure, moi aussi je suis très critique de l'économie sociale et solidaire, mais voilà, je pense que c'est des pratiques aujourd'hui qui visent quelque chose d'autre sur l'économie et qui n'ont pas uniquement, je dirais, une fonction palliative à l'égard de l'économie classique. Mais voilà un peu donc pour situer mon approche. Alors, j'ai prévu de faire un peu pour ouvrir le débat. Et c'était ces trois points. Le premier, c'est un peu de dire un petit peu voilà ce que on entend ou ce que j'entends en fait par finance éthique et solidaire. Il y a deux domaines là, la finance éthique et la finance solidaire. Je vais aller très vite dans la finance éthique parce que je pense que là vous êtes bien plus spécialiste que moi, puisque c'est surtout le domaine de l'investissement socialement responsable. Et donc voilà, voir un petit peu, notamment au niveau de la finance solidaire, quelles sont les grandes modalités. Donc ça, c'est de manière très juste descriptive. Ensuite, je vais poser un peu la question sur au niveau de la logique de ces modalités financières et surtout par rapport à ce qui a été mis, notamment la finance solidaire, que c'est l'utilité sociale. Parce que justement, je vais y revenir, la manière de définir la finance solidaire, c'est une finance qui est au service de l'utilité sociale. Donc, toute la question là se pose par rapport à comment définir l'utilité sociale. Et donc, c'est un peu à partir de cette idée de question autour de l'utilité sociale, à partir de la finance. Poser la question plus au niveau de logique assez pratique. Et puis un dernier point, mais très rapide, juste parce que c'est l'actualité. Vous avez parlé du microcrédit et de l'UNOS. Vous savez que bon, le microcrédit qui est apparu aujourd'hui comme la solution miracle contre la pauvreté a connu beaucoup de dérives et de dérapages, et aujourd'hui est devenu presque un objet de critique. Voilà, c'est un peu de juste, je pense que là il y a un débat, mais c'est un débat intéressant. Et vous savez que juste ces trois jours, il y a un grand rassemblement dans lequel on a pas mal discuté sur ces questions. Moi, j'ai à peine passé, mais c'est le Convergence. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, peut-être, non? Non. C'est un rassemblement qui a lieu depuis 3 ans, qui se fait à l'hôtel de ville, qui est organisé par. C'est un rassemblement qui est né autour de la microfinance. Et donc, mais aujourd'hui, c'est élargi à toute la question de l'économie solidaire. Et voilà, il y a 2000 à 3000 personnes qui passent. C'est une table ronde sur toutes les questions qui touchent l'économie solidaire, mais en particulier et surtout la microfinance. Et donc, il y avait beaucoup de tables rondes qui étaient autour de justement la question du microcrédit et un peu des dérives. Et justement, le rassemblement finissait avec un appel. Il y a un appel qui est on demande de signer pour un investissement responsable, une finance responsable, non, une microfinance responsable, je pense que c'est comme ça. Donc, où, voilà, il y a un peu ce travail d'essayer de définir en fonction de quoi on peut parler d'une finance responsable. Donc, voilà, c'est simplement parce que je trouve que l'actualité, même si, voilà, parfois, crée des débats un peu qui sont pas très féconds. En même temps, je pense que ça permet parfois de faire avancer toutes ces réflexions autour de comment penser une finance responsable. Voilà. Alors, donc voilà un peu les 3 points. Alors, sur la finance éthique et solidaire. Donc, comme je disais, et en général, on parle, donc on fait la différence entre la finance éthique et la finance solidaire. Dans la finance éthique, donc, on va surtout placer tout ce qui est l'investissement socialement responsable. Donc, c'est plutôt associé aux grandes entreprises et c'est plutôt l'idée des fonds qui sont constitués en respectant certains critères. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que évidemment il y a des gens qui font ça comme métier, donc pour en parler beaucoup mieux que moi. Et donc voilà, juste rappeler quelque chose que je trouve que c'est intéressant du point de vue éthique, que c'est l'origine de l'ISR, de ces fonds éthiques, que c'est né en fait le premier origine apparemment c'est aux États-Unis avec les Quakers. Donc il y a une origine qui est religieuse dans ces fonds éthiques. Et c'était justement les Quakers qui ne voulaient pas mettre de l'argent dans des entreprises qui avaient certaines activités, notamment liées à la production d'armement et à l'alcool. Mais ça a été repris ensuite, un peu bien plus tard, parce que c'est dans les années 80, mais encore une fois par des congrégations religieuses, autant aux États-Unis qu'en Europe, qui ont créé les premiers fonds éthiques et donc justement avec la même idée que si on a de l'argent, le fait de la décision sur le placement de cet argent est aussi important que la mission de la congrégation. C'est-à-dire que là, il y a une responsabilité dans le simple fait de décider où est-ce qu'on place son argent. Il y a cette origine associée un peu aux congrégations. Vous savez qu'en France, il y a l'association éthique et investissement. Vous connaissez ? Oui, vous devez connaître. C'est une association donc, qui rassemble des congrégations religieuses. Justement, quand les congrégations ont commencé à dire « bon, on ne peut pas mettre l'argent n'importe où », ils ont dit « mais nous, on n'a pas les connaissances ». Et donc, déjà, il faut se rassembler et demander de l'aide. Et donc, ils ont créé une association et ils travaillent avec une société de gestion financière. Et ils ont créé un fonds éthique, mais surtout ce qu'ils font, c'est, et que je trouve une expérience vraiment très très intéressante, et ils organisent des rencontres régulières entre les, en général, c'est les économes de l'agrégation et des représentants des entreprises qui viennent présenter un peu justement quels sont. Quelle est leur joie d'entreprise et les congrégations, en fonction de ce que les entreprises présentent, décident si le placement dans ces entreprises est convenable ou pas, du point de vue d'une charte éthique qu'elles ont définie ensemble. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un lieu où se rencontrent deux mondes qui sont complètement différents, deux univers complètement différents. Déjà, les congrégations aujourd'hui, c'est pour la plupart des femmes d'un certain âge et avec aussi une certaine allure. En fait, c'est même si aujourd'hui sont habillées en civil, bon voilà, c'est un certain type de certains profils. Et d'autre part, les hommes d'entreprise, c'est en général les hommes en costume, cravate, et bon, voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement le dialogue entre ces deux populations. Et pour moi, ça fait partie justement, ça fait partie pour moi d'un des piliers de l'économie solidaire et dans la finance éthique, pour moi, ça devrait être un des piliers des principes fondateurs. C'est justement déjà de faire rencontrer celui qui a de l'argent et celui qui en a besoin, mais aussi de faire rencontrer justement des populations qui en fait sont indirectement liées par l'argent mais qui ne se rencontrent jamais. Donc voilà, ça c'était par rapport au fonds éthique un peu à l'origine. Alors bon, vous savez, là par rapport au fonds éthique, au fonds ISR, on parle toujours de trois types. Il y a bon, les fonds d'exclusion, c'est-à-dire où on va définir des critères pour exclure certains types de placements. Donc, on va exclure certaines entreprises qui ne répondent pas ou qui font des choses qu'on considère qui ne sont pas bonnes. Par exemple, produire des armes ou être dans le secteur de l'alcool ou être aussi dans la pornographie. Bon, c'est parfois, voilà, c'est un peu les grands domaines qu'on va définir pour déterminer les critères d'exclusion. Après, il y a le contraire, c'est les fonds d'exclusion de sélection. C'est parfois, on parle là des fonds best in class, c'est-à-dire sont les meilleurs de la classe. Et donc, c'est le critère n'est pas d'écarter et c'est de côté, mais plutôt de définir les critères qu'on va de sélection. Donc, on va sélectionner. Donc, c'est souvent les critères là utilisés sont des critères qui sont très proches à la responsabilité sociale d'entreprise, c'est-à-dire que ce soit au niveau du respect de l'environnement, au niveau de la gouvernance ou au niveau des droits sociaux, voilà, vérifier que ce sont des entreprises qui, dans ces niveaux-là, ont une conduite exemplaire. Voilà. Et puis après, il y a, qui en fait, c'est une catégorie que parfois peut retrouver avec les deux précédents. C'est des fonds thématiques, c'est-à-dire qu'on va parler des fonds qui sont associés à un type de placement particulier. Par exemple, il y a aujourd'hui beaucoup de fonds associés plus à l'environnement, donc ou des fonds qui sont pour financer la recherche des énergies renouvelables. Donc voilà, c'est des fonds qui ont une destination particulière, qui peut être environnementale ou sociale, mais donc c'est ce qu'on appelle plus des fonds thématiques. Donc voilà, l'idée là, c'est de définir des critères d'inclusion ou d'exclusion et en fonction desquels on va décider un placement. Voilà. Alors, juste par rapport à ça, trois questions, mais très rapidement, et qui me semblent aujourd'hui intéressantes du point de vue plus éthique. C'est premièrement le problème de la norme à partir de laquelle on va qualifier un fonds éthique ou pas. Et donc la norme, on veut dire l'ESER, c'est-à-dire en général les agences de notation vont définir chacune ses critères de notation. Et donc voilà, tout ce problème de est-ce qu'il faut une norme unique ou pas. Aujourd'hui, bon, il y a le ESO 26000, mais voilà, quelles sont les normes et aussi est-ce qu'on peut établir des normes universelles, c'est-à-dire est-ce qu'on peut comparer des entreprises en France, en Inde, en Afrique avec les mêmes critères d'évaluation. Donc voilà, c'est tout le problème de sélection des normes. Et bon, ça c'est un problème qu'on retrouve partout en économie dès qu'on parle des critères d'évaluation. Et ensuite, le problème de la récolte des données. Et là, vous devez pouvoir parler mieux que moi. Et, c'est-à-dire comment, à partir de quelles données, de quelles informations, on peut évaluer un fonds ou une entreprise. Et, alors, voilà, il y a les grosses entreprises, celles qui sont cotées en bourse, qui doivent présenter le rapport depuis la loi de 2001. Et ils sont obligés à présenter un rapport moral de responsabilité sociale et environnementale. Et donc ça, c'est très bien, c'est déjà un bon pas. Et c'est vrai que ça, c'est une source importante d'information. Mais voilà, qui contrôle les informations qui sont dans ces rapports? Vous savez qu'ils sont des rapports toujours très beaux, où l'entreprise en général essaie justement de montrer qu'ils sont bien tout à fait respectueuses au niveau environnemental, social et de la gouvernance. Donc voilà, là, tout ce qui est salut. Ça c'est mon collègue. La récolte de données. Et donc, toute l'idée de dire est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à des méthodes qui soient plus proches du terrain. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement travailler sur des rapports ou des informations données par les entreprises, mais de pouvoir justement trouver des informations directement chez les acteurs. Des normes, la question de la récolte de données, et il y a aussi la question, une question qui se pose aujourd'hui, pas seulement pour les SER, mais je pense pour la finance en général, que c'est l'indépendance des agences de notation. Alors là, on va parler des SER, on va parler des agences de notation sociales, pas seulement financières, mais c'est aussi la question de voilà, comment ces agences sont financées. Est-ce que dans leur conseil d'administration, les entreprises qui sont évaluées participent ou pas? Bon, voilà, c'est toute la question autour de l'indépendance des agences de notation. Alors voilà, juste trois questions qu'on peut poser par rapport cette première forme de finance qu'on appelle en général finance. Juste une question supplémentaire par rapport à ça, qui me semble très intéressante comme modalité, en fait, qui s'inscrit un peu dans la même démarche, et c'est ce qu'on appelle l'engagement actionnarial. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait de choisir le fonds dans lequel on va mettre de l'argent, donc en fonction des critères d'exclusion ou d'inclusion, mais c'est le fait de, c'est d'avoir en tant qu'actionnaire une conduite active, c'est-à-dire si on est actionnaire, on peut participer dans les conseils d'administration et donc de pouvoir justement influencer dans les décisions prises par l'entreprise et donc de faire valoir son droit en tant qu'actionnaire. Donc ce n'est pas simplement le choix, je dirais, plutôt extérieur et passif de dire en fonction de quoi je choisis le fonds dans lequel je vais placer de l'argent, mais c'est d'avoir une conduite active en tant qu'actionnaire. Alors, ça s'est, je pense, développé beaucoup plus aux États-Unis qu'ici. Aux États-Unis, encore une fois, c'est les congrégations religieuses et la congrégation des frères des écoles chrétiennes ont rassemblé plusieurs congrégations et ont justement, c'est pas seulement pour décider ensemble où placer l'argent, mais justement ils font tout un programme de participation, c'est-à-dire ils décident ensemble les entreprises dans lesquelles ils vont prendre des actions, pas parce qu'elles sont les meilleures, mais justement parce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller ensemble au conseil d'administration et pouvoir intervenir, participer. Donc, mais pour ça, pour qu'il y ait un poids dans les décisions, il faut qu'il y ait une participation qui soit en fait assez significative. Et donc évidemment, c'est pour ça qu'ils le font de manière groupée. Donc voilà, donc ça c'est la finance éthique. Donc, mais encore une fois, là je dis qu'il y a plus grand spécialiste dans la salle que moi, donc je m'arrête. Alors, le deuxième type, c'est ce qu'on appelle plus proprement la finance solidaire. Donc la finance éthique, on peut dire, c'est celle qui concerne plutôt les grandes entreprises et les entreprises commerciales, donc le placement dans les entreprises classiques. Et la finance solidaire, par contre, va se définir comme un investissement dans une activité d'utilité sociale. Donc la différence par rapport au fonds éthique, c'est que le fonds éthique, c'est l'investissement dans des activités en utilité privée, mais qui respectent certains critères. Tandis que la finance solidaire, c'est l'investissement, le placement de l'argent dans une activité d'utilité sociale. Alors après, c'est ça, sur quoi je vais revenir après, c'est comment on définit l'utilité sociale et comment on peut l'évaluer. Et alors, en général, la finance solidaire, c'est dans des entreprises non cotées. Alors, pas toujours, mais la plupart de l'investissement, c'est dans des entreprises non cotées. Voilà. Et je présente donc rapidement les principales formes dans la finance solidaire. Donc, il y a trois grandes de fonds solidaires. Il y a d'une part ce qu'on appelle les fonds de partage. Les fonds de partage, c'est un produit d'épargne qui en général on trouve aujourd'hui dans toutes les institutions financières, notamment. Et donc dans les fonds de partage, en fait, c'est un produit d'épargne normal. Mais l'épargnant accepte de partager une partie de l'intérêt produit par son épargne avec une organisation d'utilité sociale, une activité d'utilité sociale. Donc, c'est que quand on met son argent dans son produit de partage, on accepte qu'une partie de l'intérêt soit donnée à une activité d'utilité sociale. Par exemple, qu'une partie de l'intérêt va à Habitat Humanisme, que c'est une association qui aide à l'accès au logement aux personnes qui, justement, sont sans logement. Donc, le fonds de partage, c'est une forme de don, en fait. Parce qu'au lieu de donner son argent, ce qu'on va faire, c'est automatiquement une partie de l'intérêt de son épargne va aller à cette activité d'utilité sociale. Et quand vous décidez de mettre votre argent dans un projet de partage, la banque, en général, va vous envoyer une liste des associations avec lesquelles elle est associée pour que vous choisissiez laquelle, à laquelle vous voulez que cette partie de l'intérêt de votre épargne soit adressée. Donc voilà, le fonds de partage, c'est quelque chose qui s'est pas mal répandu et qui c'est le plus simple, mais là, je dirais, c'est une autre manière de faire du don. Alors, ensuite, il y a ce qu'on peut appeler l'investissement solidaire. Donc là, c'est justement non pas ça passe toujours par des produits d'épargne, mais ce qu'on fait, c'est non pas qu'une partie de l'intérêt va être consacrée à une activité de l'utilité sociale, mais c'est une partie de l'actif, c'est-à-dire une partie du capital que vous mettez, va être investi dans une activité de l'utilité sociale. Donc, et c'est là qu'il y a notamment un type de fonds qu'on appelle le fonds 90-10, parce que c'est un fonds qui est régulé par loi, c'est-à-dire que 10% du fonds peut être, en général c'est entre 5 et 10% du capital de l'actif, va être investi dans une activité d'utilité sociale. Et 90% dans le placement habituel. En général, dans les fonds 90-10, les 90 vont être placés dans des fonds ISR, parce que bon, c'est un peu logique, mais ce n'est pas obligé. Alors, donc là, c'est différent pour le fonds de partage, parce que ce n'est pas donner une partie du bénéfice réalisé, c'est quelque part investir directement son capital dans une activité d'utilité sociale. Ces fonds 90-10 se sont beaucoup développés. C'est le type de fonds qui a connu la plus grande croissance parce que, notamment, grâce à l'épargne solidaire. L'épargne solidaire, c'est une forme d'épargne qui, depuis 2008, l'épargne solidaire, je crois que c'est à partir de 2001, et il y a une loi qui dit que dans toute proposition d'épargne solidaire, il peut y avoir des fonds solidaires. Et à partir de 2008, c'est obligatoire pour toute entreprise que quand il propose un plan d'épargne à ses salariés, donc dans le cadre d'épargne solidaire, et il propose toujours, c'est pas obligé que le salarié le prenne, mais c'est obligé que toute entreprise propose dans son plan d'épargne solidaire des fonds salariales. Salariale solidaire. Voilà. Oui. Dans tout plan d'épargne salariale, on doit proposer un fonds solidaire. Exactement, merci. Ça a permis justement de faire augmenter beaucoup ce type d'investissement. Il y a autre chose qui est intéressante, c'est ce 10% qui va être investi dans une activité solidaire, et ça a conduit à définir ce que c'est une entreprise solidaire. Donc sur ça, il y a aussi beaucoup de débats pour dire qu'est-ce que c'est une entreprise solidaire. Alors, on a défini des critères. Les critères, évidemment, sont toujours sont faits pour être discutés. Mais en tout cas, ça, déjà, ça dit, ça crée, en quelque part, ça dit quelque chose sur comment on peut identifier une entreprise qui se qualifie comme solidaire. Il y a d'une part le fait qu'un tiers des salariés doit être des salariés qui répondent à des conditions particulières, c'est-à-dire soit des personnes qui sont au chômage de longue durée, soit des personnes handicapées, soit des jeunes, c'est-à-dire des personnes qui ont des difficultés pour entrer dans le marché du travail. Donc un tiers des salariés qui doivent répondre à justement à cette caractéristique d'être des personnes qui ont du mal à rentrer dans le marché du travail. Et ce qui est beaucoup, parce que c'est voilà, un tiers des salariés, c'est beaucoup. Et ensuite, il y a, alors, c'est soit ce critère, soit le fait que ce soit au niveau la personnalité juridique de l'entreprise, que ce soit une coopérative, une association ou une mutuelle. Donc, ça suppose que dans la prise de décision de l'entreprise, il y ait quelque chose qui est plus démocratique en général que dans l'entreprise classique. Et d'autres critères pour définir l'entreprise solidaire, c'est l'écart de rémunération. Alors, pour l'entreprise solidaire, on demande que l'écart de rémunération, c'est-à-dire entre celui qui gagne le plus et celui qui gagne le moins, ne soit pas plus grand que de 1 à 4, quand il y a moins de 20 salariés, et pour plus de 20 salariés, que l'écart ne soit pas plus grand que de 1 à 7. Donc, aussi, c'est une contrainte assez importante, parce que vous savez qu'en général, les écarts de rémunération sont bien plus. Donc, voilà. Alors, sur ça, il y a tout un débat, parce qu'évidemment, est-ce qu'on peut réduire la solidarité uniquement à ces critères? Si vous voulez, l'avantage qu'il y a, c'est qu'au moins, il y a certains critères à partir desquels on peut dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on considère une entreprise solidaire ou pas. Est-ce que ce sont les bons critères ou pas? Et voilà, c'est en fait un objet de débat, mais ça permet en tout cas d'avoir en tout cas des critères quantitatifs, mesurables, pour pouvoir utiliser et appliquer la mesure. Voilà, donc ça c'est les fonds, donc l'investissement solidaire. Et ensuite il y a la troisième forme de finance solidaire, c'est donc le capital risque, c'est-à-dire c'est quand on va directement investir dans une institution d'utilité sociale. Donc ce n'est pas qu'on va passer par la banque et qu'à travers la banque on va investir dans un produit d'épargne qui soit va partager son intérêt, son bénéfice ou va investir une partie du capital dans une activité d'utilité sociale, mais on va directement mettre son argent dans une organisation d'utilité sociale. Et donc on peut dire que c'est beaucoup plus risqué puisqu'on devient actionnaire de cette institution, de cette organisation. Et voilà, ce qui permet, alors dans tous les cas, et quand on choisit un de ces types d'épargne ou d'investissement, et il va avoir toujours associé des avantages fiscaux. C'est une manière justement de pouvoir inciter au placement dans ce type de produits solidaires. Alors bon, voilà donc les principales formes de financement solidaire. Alors les activités solidaires qui sont les plus habituellement financées par ce type de produits sont quatre. La plus importante, c'est dans la catégorie sociale et logement. En général, c'est entre 30 et 40% destiné à des institutions soit qui sont dans l'aide sociale, soit dans le logement, comme celle que j'évoquais tout à l'heure, Habitat Humanisme. Ensuite, le deuxième secteur en importance, c'est l'emploi. Et donc tout ce qui sont les, par exemple, les entreprises d'insertion, toutes les activités justement qui vont faciliter l'emploi à des personnes qui sont en situation de chômage. Là, par exemple, deux associations, deux institutions qui sont parmi les plus connues à ce niveau-là, c'est France Active et l'ADI, qui est très connue par Marie Novak. Et donc voilà, c'est en général de l'argent qui vient à travers ces produits solidaires et qui s'oriente surtout à faciliter la rentrée à l'emploi des personnes qui en sont issues. Alors, troisième domaine, c'est l'environnement. Et donc, il y a beaucoup de produits justement qui vont à des institutions qui ont comme priorité le respect de l'environnement. Alors, cet élément de respect de l'environnement est assez important dans une autre institution qui est très connue, qui est l'ANEF, qui fait aussi des prêts à des personnes qui veulent monter des projets. Et ce critère environnemental est en fait un critère important. Donc, l'environnement. Et enfin, le secteur qui est important, mais beaucoup moins important que les trois précédents, c'est la solidarité internationale. C'est-à-dire de choisir que son argent aille dans des institutions qui font de la solidarité internationale. Et là, l'un des fonds les plus connus, c'est la CIDI, au CCFD. Ils sont un fonds qui est orienté, destiné à financer en fait tous les projets de solidarité internationale qu'ils soutiennent. Et ils ont développé tout un programme de microcrédit et aussi des caisses d'épargne crédit dans les pays du Sud, dans les pays frappés. Donc voilà, c'est juste pour voir un peu les grands domaines dans lesquels les grands domaines d'utilité sociale auxquels s'orientent comme ça cet argent qui est collecté à travers ces trois formes de finances solidaires. Alors voilà. Donc ça c'est un peu pour dire un petit peu ce qu'on comprend aujourd'hui par la finance solidaire. En fait, c'est le principal modalité. C'est toujours un secteur marginal, mais c'est un secteur en croissance importante. Il a connu une croissance de 20 à 30% par an, ce qui est énorme. Voilà, et ça reste évidemment des petits montants par rapport à la finance générale. Et alors, peut-être dire aussi qu'au niveau de la finance solidaire, il existe un label pour pouvoir identifier les produits qui sont considérés, en tout cas du côté de l'épargne, c'est-à-dire de l'épargne solidaire, c'est le label FinanSol. Donc FinanSol, c'est une fédération des institutions de microfinance et justement, ils attribuent un label aux produits d'épargne solidaire. Ils sont en train de travailler sur un label d'investissement solidaire, c'est-à-dire ils ont bien défini des critères pour pouvoir évaluer à quel point est-ce que un produit d'épargne peut être considéré solidaire, et ils sont en train de travailler au niveau justement de l'investissement. Voilà donc pour la finance solidaire. Alors donc ça c'était le premier point. Alors, les deux autres, ça va aller beaucoup plus vite. Le deuxième point, c'était un peu dire quelque chose un peu sur, en tout cas, un élément que pour moi est central et dans ces produits de la finance, notamment de la finance solidaire, mais je pense qu'on peut le dire d'une certaine manière aussi pour la finance éthique. Que c'est lié un peu à cette idée d'utilité sociale et poser la question, donc, notamment pour la finance solidaire, quand on dit que c'est des fonds qui sont placés dans des activités d'utilité sociale, comment on peut définir et comment on peut évaluer cette utilité sociale. Et je pense que justement, et en essayant de définir l'identité sociale, là, à mon avis, il est dit quelque chose sur plus au niveau de la logique financière que sur uniquement la destination des fonds. Alors, donc, quand on parle d'identité sociale, en général, il y a deux éléments, en tout cas dans la finance solidaire, qui vont apparaître. D'une part, c'est évidemment la finalité du fonds, ou à quoi il sert. Et d'autre part, c'est l'accompagnement de la personne qui va bénéficier de ce financement. Et donc c'est un peu les deux éléments aujourd'hui qui autour desquels je pense il y a toute une réflexion pour pouvoir définir l'utilité sociale dans le cadre de la finance solidaire. Alors au niveau de la finalité, et en général, bon, alors là aussi c'est des mots et des concepts très très très globaux, mais en général on va dire l'utilité sociale, la finalité de l'utilité sociale, quand c'est une activité qui est au service de la cohésion sociale, donc qui sert justement à produire de la cohésion sociale, un service sinon qui est de lutte contre l'exclusion, qui permet de réduire l'exclusion, ou qui est au service du développement durable. Alors, pour savoir ce que c'est le développement durable, il faut venir à la master. mais voilà, le développement durable veut dire beaucoup de choses. Mais en tout cas, déjà, voilà, l'idée c'est qu'une activité d'utilité sociale, ensuite il faut voir qu'est-ce qu'on entend par cohésion sociale, qu'est-ce qu'on entend par exclusion, et donc lutte contre l'exclusion, qu'est-ce qu'on entend par développement durable. Mais déjà, en tout cas, on définit quelque chose. Donc, au niveau de la finalité. Mais ensuite, il y a la question de l'accompagnement. Et c'est là où, à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant en termes de la relation entre les acteurs classiques de la finance. Et alors, quand on parle d'accompagnement, c'est l'accompagnement des bénéficiaires du financement. Voilà, ça se traduit par des modalités différentes. L'accompagnement suppose, en général, de donner de la formation à ceux qui sont demandent du financement pour mettre en place un projet. Et donc, de la formation qui va être une formation en général très technique, des compétences en marketing, en comptabilité, en informatique, mais bon, pouvoir donner de la formation à la personne qui va recevoir le financement, justement pour augmenter sa capacité de pouvoir rembourser l'argent qui lui est donné. Et ensuite, l'accompagnement suppose aussi en général la mise en relation avec un parrain. Donc on va mettre chacun des bénéficiaires en lien avec un parrain. Et le parrain, en fait, c'est quelqu'un qui va lui donner des conseils techniques, mais également qui va le soutenir, je dirais, au niveau psychologique, moral, en fait, parce qu'en général, souvent, c'est des gens qui sont dans des situations de précarité, donc souvent dans des situations difficiles. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y ait un soutien autant technique que moral. Dans l'accompagnement, souvent, notamment quand c'est des demandes pour monter les projets productifs, on va aider à la personne aussi le conseiller dans l'élaboration de son business plan. Donc, pour pouvoir, justement, tout là, même s'il le fait, pouvoir contrôler, vérifier que ça tient. En fait. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que si jamais, quand la personne présente un projet, le projet est refusé pour X raisons, en général, on va essayer de trouver des solutions alternatives quand justement on lui dit non, on ne peut pas vous donner de l'argent pour telle ou telle raison. Mais donc, ce n'est pas un refus, il y a quelque part un engagement avec le demandeur du moment que, voilà, qu'on accepte de recevoir sa demande. Et donc, même en cas de refus, il va avoir un accompagnement. Et puis, ce qu'il y a aussi souvent dans le cadre de l'accompagnement, et que c'est intéressant, et c'est le soutien et même la garantie de se porter garant pour demander des prêts dans le système financier classique, dans la banque classique. Parce que souvent, c'est des gens qui ne peuvent pas accéder à des prêts de la banque classique, soit parce qu'ils n'ont pas les garanties, soit parce que justement, ils ne connaissent pas les démarches pour le faire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être garant ou même soutenir les demandes de prêts dans le système classique. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le financeur va participer dans les assemblées générales, en général, de l'entreprise qu'elle va soutenir. Donc, ça veut dire que l'engagement avec quelqu'un à qui on donne de l'argent, c'est on devient quelque part sociétaire de celui qui reçoit de l'argent. Ce n'est pas uniquement un contrat de prêt, et c'est une interdépendance beaucoup plus grande entre celui qui prête et celui qui bénéficie du prêt. Et puis, ce qu'il y a souvent aussi, c'est que même si on a donné de l'argent et que le projet échoue, on va aussi chercher avec lui des solutions alternatives avant de lever les garanties ou avant d'aller sur son patrimoine. Donc voilà, on va essayer de trouver d'autres solutions. Donc voilà, pourquoi ça me semble intéressant de décliner ça, c'est parce que je pense que là, à travers cet accompagnement, et donc il se crée une type d'interdépendance entre le financeur et le bénéficiaire qui est beaucoup plus grande que dans la finance classique. Et que, quelque part, et pour moi, ça c'est une caractéristique de l'économie solidaire, parce que je retrouve la même chose, je dirais, au niveau commercial, par exemple dans le commerce équitable. Et ce qu'on crée en général dans l'économie solidaire, c'est une proximité et une interdépendance beaucoup plus grande entre des acteurs qui, en général, dans le marché, sont complètement séparés et indépendants. Entre consommateurs et producteurs, si tu vas faire le commerce équitable, il va créer justement une interdépendance. Entre épargnants et investisseurs ou bénéficiaires du prêt, qu'est-ce que va faire la finance solidaire? Il va créer une interdépendance plus grande. Donc, c'est-à-dire que chacun va quelque part devenir responsable de son contrepartie, en fait, de son rival. Donc, les acteurs que dans le marché classique presque ne se rencontrent pas, et qui sont définis par des intérêts opposés, consommateurs, producteurs, épargnants, investisseurs, ils sont définis par leurs intérêts opposés dans la finance solidaire ou dans le commerce équitable. Et ils vont être réunis autour d'un intérêt commun. L'idée, c'est justement d'arriver à trouver un intérêt commun et de devenir interdépendant. Voilà, et là, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant pour, à partir de là, peut-être regarder le marché classique et l'économie classique. Et là, je pense que, alors, en termes de logique, je pense que là, une notion qui, à mon avis, est intéressante pour lire ça, et c'est la notion de réciprocité de Polanyi. Vous savez, Polanyi, qui est très connu en économie en tout cas, et pas seulement, aussi en sociologie, et qui est très connu justement par tout son travail d'encastrement entre l'économique et le social. Et pour moi, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il définit trois formes de circulation économique, de circulation dans une économie, qui sont le marché, la redistribution et la réciprocité. Et il dit ces trois formes justement de penser la circulation et donc quelque part l'organisation d'une économie. Donc, le marché, c'est la circulation qui passe par un système de décentralisation. C'est-à-dire, dans le marché, les biens vont circuler par l'offre et la demande. Donc, c'est une circulation décentralisée. Il y a la soleil. D'accord. Non, je vais bientôt. Alors là, on va se marier en non, c'est pas l'Espagne. Là, c'est l'Ouest. Là, c'est pas l'Ouest. Comme c'est l'Ouest. Voilà. D'accord. Le maillot, c'est l'Ouest. C'est une question pour la saison, c'est ça. C'est propre de l'avance, Alors donc voilà, je disais juste un mot pour dire un concept à mon avis qui peut être intéressant pour étudier ou analyser ou voir un peu la pertinence de cette logique à mon avis qui est un peu différente de celle de l'économie classique. Donc, c'est les trois concepts pour Polanyi, celui du marché, que c'est une circulation décentralisée, celui de la redistribution, que c'est la circulation centralisée, c'est-à-dire là, en général, on va passer la redistribution, c'est à travers les mécanismes publics, donc à travers l'État, on va, c'est le système des impôts qui ensuite sont redistribués en termes de dépenses publiques. Donc la redistribution, la circulation, ça va se faire de manière centralisée, et les collecter et ensuite redistribuer en fonction des critères ou des besoins. Et pour lui, la réciprocité, c'est encore une troisième forme de circulation qui est différente de celle du marché de la redistribution. Et il va dire que, alors, quand il va parler de la réciprocité, il va parler surtout, il va donner comme illustration quelque chose qui n'est pas du tout actuel, parce que c'est les sociétés primitives, et c'est notamment les relations de parenté entre les familles ou les clans. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que ce qu'il dit que se crée à travers ces relations qu'il appelle réciprocité, c'est en fait une appartenance commune dans l'échange. C'est-à-dire, entre la réciprocité est marquée par un don contre don qui crée une appartenance commune. Et en ça, c'est complètement différent du don contre don du marché. Dans le marché, il y a du don contre don, parce que dans le marché, il y a aussi de l'échange. Mais c'est un échange qui se fait uniquement en termes, évalué en termes de la valeur marchande du bien. Dans le marché, ce qu'il faut, c'est échanger des choses qui ont la même valeur marchande. Tandis que dans la réciprocité, ce qu'il y a, c'est un échange qui va se mesurer, qui va s'évaluer par le type de lien qu'il crée. Et donc, c'est ça ce qu'il va appeler réciprocité, c'est-à-dire l'échange est évalué en termes d'appartenance commune, en termes d'interdépendance entre les personnes qui échangent. Donc, ce n'est pas l'équivalence du bien qui est échangé. Et il faut, le critère de mesure ne va pas être la valeur marchande de ce qui est échangé, mais ça va être la relation entre les personnes qui échangent. Voilà. Et en ce sens-là, je pense que cette idée de réciprocité, pour moi, ça résonne fortement avec un peu ce que crée cet accompagnement que j'ai évoqué tout à l'heure, où justement se crée une interdépendance entre l'épargnant et le financeur, entre celui qui donne de l'argent et celui qui reçoit et donc qui est le bénéficiaire. Voilà, donc ça on pourra en discuter parce que je vois qu'il y a apparemment une chose qui sont pas très et d'accord. Et alors, troisième et dernier point, et très rapidement, un peu pour évoquer un peu la question plus liée à l'actualité. Et un peu tous les dérives dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps par rapport au microcrédit. Et alors, je pense qu'il y avait justement là, il y a quelqu'un, un un peu dans les débats, justement, dans ce rassemblement de convergence. Et il y avait Jean-Michel Servet, qui est un économiste qui a beaucoup travaillé sur la finance solidaire et sur le microcrédit. Et il faisait un peu une analyse de la crise et des solutions possibles. Et voilà, et je trouvais que c'était intéressant, donc je vois que je vais faire rapidement un peu quelques éléments sur la crise actuelle. Et alors on a beaucoup, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans la crise de la microfinance, c'est qu'on retrouve quelque part des problèmes de la crise financière générale, en fait, celle qu'on connaît depuis 2008, que certains disent que c'est fini. Mais voilà, il y a d'une certaine manière quelque chose qui est proche. Et alors, on a beaucoup parlé du manque de réglementation dans le secteur. Donc là, on est un peu dans le même type de critique. Mais ce que Jean-Michel Servet dit, il y a en fait pour lui deux grandes causes de ces crises et de ces dérives. Et d'une part, il dit c'est ce qui arrive toujours quand on parle de crise financière, c'est la montée des impayés, c'est-à-dire des gens qui ont fait des prêts qui n'ont pas pu rembourser. Donc quelque part, on est un peu comme dans la crise des subprimes. Et donc une montée dans les payés, dans les capacités de remboursement. Ce qui est grave dans le microcrédit, parce que toujours le microcrédit a été très connu par son haut niveau de remboursement, qui est beaucoup plus élevé que celui du crédit bancaire classique. Et alors, le problème, c'est que en plus, ce qui est intéressant par rapport à cette crise du microcrédit, c'est que c'est très localisé. Et ce n'est pas tout le microcrédit, mais c'est certains pays, c'est l'Inde dont on a beaucoup parlé, c'est aussi le Maroc, c'est aussi la Bosnie, mais c'est très localisé. Alors, ce qui apparemment s'est produit dans le microcrédit, c'est aussi en partie une logique de surendettement. C'est-à-dire que des gens, face à l'incapacité de pouvoir rembourser, ils sont demandés de nouveaux prêts pour pouvoir rembourser les premiers prêts. Et donc, bon, ça c'est la logique du surendettement qu'on connaît aussi dans la finance classique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est comme un jeu de cartes, on s'endette pour rembourser, on s'endette pour rembourser, à un moment on est tombé. Donc ça, c'est un des problèmes. Et le problème aussi que dans certains pays, il y a eu une baisse de revenus globale, donc aussi incapacité de pouvoir rembourser à cause d'une situation qui est plus macroéconomique que micro par rapport au comportement des personnes qui avaient des emprunteurs. Donc voilà, un montée des employés, mais aussi une saturation du marché de la microfinance. C'est-à-dire que dans certains lieux, et il parle en particulier du Maroc, c'est qu'il y a eu un peu une espèce d'explosion du microcrédit. Donc, quand on a vu que ça marchait, parce que les gens remboursaient très, très bien, c'est qu'on a voulu continuer à prêter. Et donc, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on a cru qu'on était dans une logique, des gens qui demandaient de l'argent, qui voulaient toujours augmenter leur chiffre d'affaires. Et donc, ils ont poussé quelque part à, toujours du moment qu'ils remboursaient, à prêter, à demander de plus en plus. Donc, ce qu'il dit, c'est en fait, le marché, voilà, il y avait des populations qui, ayant arrivé à un certain niveau, n'étaient pas prêtes à ni intéressées à rentrer dans cette logique de croissance exponentielle. Donc voilà, il y a le fait de dire, voilà, il y a le marché de la microfinance. En fait, il faut faire, et c'est en partie un peu, quand il parle un peu des choses auxquelles il faut tenir compte, c'est justement de faire très attention et d'adapter chaque logique financière aux conditions de la population. Et que voilà, ils n'ont pas rentré parce qu'ils remboursent dans finalement une logique de croissance indéfinie. En termes des des solutions. Ce qu'il dit, c'est. Alors, il y a beaucoup de débats sur, évidemment, les choses qui ont été proposées tout de suite, c'est de mieux réglementer les institutions de microfinance et de mieux les contrôler. Ce que Jean-Michel Servet tient beaucoup, c'est de dire attention aux réglementations communes pour tous. Et autant dans la réglementation des institutions de microfinance que par rapport aux taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt aussi sont quelque chose qui a été objet de beaucoup de discussions, puisqu'en général, dans le secteur de la microfinance, les taux d'intérêt sont plus élevés que dans la finance classique. Ce qui se justifie pour plusieurs raisons, se justifie à cause de l'accompagnement, que ça a un coût important. Et souvent, c'est des prêts qui sont faits à des populations qui sont très éloignées, donc c'est de pouvoir accéder à ces populations, de pouvoir faire un véritable accompagnement, ça a un coût important. Donc voilà. Et puis, c'est aussi le fait de dire l'alternative pour beaucoup de ces personnes, c'est ce qui existe juste à présent, que c'est des usuriers avec des taux d'intérêt qui, alors là, sont 1000 fois plus importantes. Et donc, voilà, quand on dit qu'est-ce que ça veut dire qu'un taux d'intérêt est trop élevé ou pas trop élevé, on ne peut pas mettre une mesure générale, universelle pour toute la population. Si on fait une activité qui crée un bénéfice de 100%, avoir un taux d'intérêt de 50%, ce n'est pas élevé. Mais si on fait une activité qui a seulement 10% de bénéfice, avoir un taux d'intérêt de 15%, c'est énorme. Donc voilà, le taux d'intérêt doit être adapté aux conditions de la population et puis au type de service qui est prêté. Et la même chose par rapport aux échéances de remboursement, parce que ça aussi, ça a été beaucoup discuté. En général, c'est des remboursements qui se font de manière hebdomadaire pour faciliter la capacité de l'accompagnement et la régularité et la possibilité de remboursement. Et donc, voilà, le fait aussi d'adapter en fonction des conditions et des possibilités de la population ces échéances. Voilà, c'est plus, je pense, penser ses finances et pas d'une manière avec des normes générales, mais plus comme une finance qui est au service d'une population. Donc c'est encore une fois la même chose que je disais tout à l'heure avec l'interdépendance, c'est-à-dire de penser le financement en fonction de son utilité, c'est-à-dire de la population qui va être bénéficiaire de ce capital. Et voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Merci Léa, très bien, c'est un taux d'horizon qui me paraît tout à fait intéressant et qui ouvre des perspectives sur le lieu actuel. Et en plus, juste une réaction sur la phrase sur la montée des impayés, c'est des mécanismes qui ressemblent effectivement sur la question que vous parlez jusqu'à la fin, avec une différence peut-être, c'est que dans le cas de la microfinance, le fait que les impayés augmentent n'est pas lié apparemment à une technique particulière d'emprunt, alors que dans le cas des subprimes, la montée des impayés est due puisque l'instrument lui-même avait produit un emballement à cause d'une technologie qui s'est mise en place. Bon, je propose de passer aux questions, au débat. Alors, que chacun soit présent, bon, sauf ce problème, mais comme il y a eu un peu de temps de nous arriver, que par ailleurs, les participants à chaque session du séminaire ne sont pas les mêmes, on dit deux mots juste pour dire, voilà. Toujours Théa, de la HESS, sous la direction de l'ESSAT. J'aurais une question fondamentale sur le taux d'intérêt, qui me paraît être la vraie question dans ce qui est du crédit ou du financement. Et effectivement, aucun propose un taux d'intérêt réel égal à zéro. Le taux d'intérêt, s'incorpore l'idée que de la monnaie transformée en capital permette de rapporter de l'argent n'est pas questionnée en soi. Après, on peut donner son gain de taux d'intérêt, on peut faire ces choses-là. Aucune réflexion donc en amont, enfin, là on est au niveau micro, mais au niveau macro, ce que ça peut incorporer comme inégalité sociale en accumulé au niveau d'une société en général, et donc après au niveau des répercussions micro que ça va donner, et donc par exemple, les saturations de la microfinance, mais aussi enfin, ces augmentations des impôts aussi. Alors, je pense que là, il y a, dans le cadre de la finance solidaire, c'est vrai, cette question n'est pas posée, et je pense, et l'idée, c'est que là, on rentre dans le système financier classique, c'est-à-dire, c'est pas, si on prête de l'argent, c'est normal qu'il y ait un coût et que donc, il y ait un intérêt à payer. Mais je pense que cette question, par contre, est présente dans tout un autre secteur de l'économie solidaire, que c'est tout ce secteur aujourd'hui qui crée des monnaies non officielles, des monnaies parallèles, et qui est lié plus à des systèmes d'échange. Ce sont des systèmes d'échange, des systèmes de troc, mais qui il y a aujourd'hui des pratiques des créations de monnaie, et où justement quelque chose qui est complètement laissé de côté, c'est la monnaie est uniquement un moyen d'échange, et donc on peut pas ça peut pas être un moyen de trésorisation, donc elle ne peut pas créer de la valeur, et elle est uniquement un moyen d'échange. Et vous savez, c'est par exemple le cas de monnaies comme le sol, c'est une monnaie assez particulière parce que c'est plus, je dirais, c'est plus des points de fidélité qu'une monnaie en soi. Mais justement, le sol, c'est une monnaie que plus on la garde, plus elle perd de valeur. Donc c'est exactement l'inverse que la monnaie officielle. Et donc là, je pense que dans ces initiatives qui passent justement par un échange à travers autre type de monnaie, donc la création de monnaies parallèles, cette question est présente. Et dans la finance solidaire, non, parce que, alors c'est toute la question, si vous voulez, de l'économie solidaire, il y a des secteurs qui s'inscrivent à l'intérieur même de la logique marchande classique, et que ce qu'ils vont, c'est introduire dans cette logique marchande soit des relations différentes, soit des critères différents. Et la finance solidaire, pour moi, elle est complètement à l'intérieur de ça. C'est-à-dire, elle ne se veut pas une activité complètement parallèle de la finance classique. Elle se veut, d'une certaine manière, articulée à la finance classique. Du fait, ce qu'on voit souvent, c'est les gens qui passent par le microcrédit, et quand elles commencent à se développer, ensuite, ils vont demander des crédits classiques à la banque classique. Donc, il y a plus un effet de levier que le fait de créer quelque chose totalement parallèle. Donc, je pense que cette question est posée plutôt avec des monnaies parallèles qu'avec la microfinance. Mais bon, il peut y avoir d'autres avis. Est-ce que, Sadel Bayer, j'ai peut-être avoir du mal à formuler la réaction des praticiens de la finance durable, responsable, vous l'avez laissé, etc. sont des gens qui se prononcent clairement comme étant dans un système financier et en disant on va essayer par un certain nombre de moyens de réintroduire du bien commun dans la finance classique par des méthodes de sélection, par des pratiques. Et aujourd'hui, on voit que l'ISR se dégage de plus en plus de stock picking au sens strict, c'est-à-dire je m'intéresse uniquement à ce qui se passe chez l'émetteur du titre que j'ai acheté. J'essaie d'avoir une vision beaucoup plus globale, de m'interroger sur l'environnement par rapport à la macroéconomie. Voilà. Tout ça est en train de s'allarger un petit peu, mais on est toujours à l'intérieur. Ce que vous décrivez dans la finance solidaire, c'est quelque chose qui est, pas franchement à côté, mais quand même beaucoup plus démarqué, et qui dit finalement, je vais aller vers des circuits qui ne sont pas les circuits de l'économie de marché capitaliste tel que je la vis aujourd'hui, mais donc qui est soit palliative des souffrances, du mal-être infligé par cette économie de marché capitaliste, je m'adresse avec le mot. Donc je me mets comme palliatif ou je me mets comme utopie en disant il peut exister quelque chose d'autre et j'essaie de le faire fonctionner en voyant si ça peut fonctionner à côté. Mais alors, est-ce que dans la démarche, je veux dire que le côté théorique de la finance durable, il est assez formalisé aujourd'hui, c'est bien la finance durable contre la culture actionnariale, donc on sait exactement où on se situe. Ce qui me gêne un petit peu, c'est dans ce que vous décrivez, on ne sait plus très bien comment on se situe par rapport au marché et au capitalisme, et on ne sait pas très bien comment on se situe par rapport à un certain nombre de concepts qui sont vraiment en question quand on parle du marché. Alors vous avez cité Polanyi, et moi il me semble, on en parlait assez récemment, que Polanyi dit qu'il y a des biens qui ne sont pas marchandisables. La monnaie, la terre, le travail, l'économie d'aujourd'hui les a rendus marchands, on a fait un marché du travail, on a fait le marché de la terre et de ses ressources, et on a fait le marché de l'argent, c'est ce qu'on dit, les biens financiers, la richesse produite par la finance pour elle-même, etc. Et donc ça, c'est quand même, je pense, au cœur de cette réflexion, est-ce que l'économie solidaire, elle va dire, voilà, ces choses-là doivent ressortir du secteur marchand, parce que naturellement, ils ne sont pas affectés. Et puis si on monte d'un cran, alors ça c'est dans Brodel, l'étude de la formation du capitalisme ou de la non-formation du capitalisme dans les sociétés du 14e, 15e, 16e siècle par le monde, et qui dit en fait, l'économie de marché et le capitalisme, c'est pas du tout la même chose. Et donc je vais revenir à mon histoire de culture actionnariale, la culture actionnariale, c'est pas une obligation de l'économie de marché. Et donc, l'économie, le capitalisme, c'est, alors vous avez dit, la réciprocité, le contact direct, oui, ça c'est carrément anti-capitaliste. C'est pas anti-marché, mais c'est carrément anti-capitaliste. Donc cette formulation, est-ce qu'il ne faut pas la faire ressortir de manière plus nette pour être pas dans l'utopie, pas dans un peu l'angélisme qu'on fait à côté de la finance, du commerce liquide, etc., avec un côté palliatif ou utopique, mais un côté qui soit beaucoup plus radical dans son approche. C'est vrai que sur Carl Polanyi, on parle de marché, de don contre don, c'est quelque chose qui me choque profondément et dans une intérêt comme prof, c'est waouh, ça ne peut pas aller vraiment ensemble. Et par contre, à vous, la distinction économie-marché, économie-marché-capitaliste, comme on a tendance à dire aussi, bien sûr que le marché existe avant le capitalisme, mais maintenant, qu'est-ce que vous qualifieriez au niveau théorique d'économie-marché simple? C'est la désintermédiation des opérateurs purement financiers. Enfin, Brodel, il explique ça, c'est le marché dans la ville, la classique du Moyen-Âge, c'est les producteurs qui rentrent dans la ville pour faire le marché, puis à un moment donné, des gens qui se mettent à l'entrée de la ville et qui achètent aux producteurs et qui rentrent dans la ville avec les produits pour leur revendre. Et qui font du profit et donc qui deviennent des opérateurs financiers et qui s'emparent progressivement de toutes les activités pour créer les monopoles financiers dans lesquels on est aujourd'hui. Donc pour compléter la réponse, peut-être il y a un exemple qui est assez significatif. Toutes les grandes mutuelles disent qu'elles sont en économie de marché et en capitalisme. Autrement dit, leurs prix sont fixés par le marché, parce que les tendances, mais elles ne sont pas capitalistes. Donc il faut, la distinction que tu fais est très importante. Économie de marché, capitalisme, libéralisme, cette notion, elle est point de rencontre. Mais il ne faut surtout pas les confondre. Il y a une économie de marché qui peut être ni capitaliste, ni libéralisme. On parle de libéralisme, mais c'est encore autre chose. Et les mutuelles, donc, travaillent, ils le disent, nous sommes entièrement dans une économie de marché, mais nous ne sommes pas capitalistes. Comment on définit dans le prix dans une économie de marché? Par la concurrence. Par la concurrence. Est-ce que c'est les mutuelles, c'est pas ils fixent leur prix sans regarder le prix de la concurrence, ils sont obligés de entre guillemets s'aligner. Et que fait la concurrence de la réciprocité si chère à Carl Polanyi? Ça c'est encore autre chose. Ça c'est une autre question. Si je peux pas de l'intérêt, je conseille aux institutions à la Banque Saint-Denis. Donc, vraiment, tout le monde fait partie de finance. solidaire pour l'instant. Je voudrais juste réagir justement à l'aspect microcrédit, parce que je connais très bien le sujet et j'ignorais que les taux d'intérêt pratiqués étaient plus élevés que la norme. Et donc, si ce secteur est allé mal dans les trois dernières années, ça m'étonne beaucoup, parce qu'on a l'impression qu'il a un peu singé finalement l'économie financière dans un contexte d'inflation, et donc on est typiquement dans la société où des gens qui pensaient s'endetter à un bon taux se sont retrouvés en fait avec des taux réels. Moi, je pense que là, je pense que en tout cas, ce que disent ces analystes de la crise, je pense que la cause, ce n'est pas le taux d'intérêt. Ce n'est pas parce que le taux d'intérêt était beaucoup plus élevé que le taux d'intérêt du marché, mais c'est beaucoup plus, à mon avis, justement, l'insuffisance d'accompagnement. L'insuffisance de communication, par exemple, entre les institutions de microfinance qui ont permis cette chiffre de surendettement. Mais ça fait très longtemps que la microfinance fonctionne avec des taux d'intérêt plus élevés et qui permettent quand même ce remboursement à des taux exceptionnels. Si les prix montent. Oui, alors évidemment, mais là c'est en lien, alors mais ça je pense que c'est pas le fait que c'est justement comment ces taux d'intérêt en général ont été plus élevés que les taux d'intérêt du marché, mais la question c'est qu'en fonction de quoi on fixe le taux d'intérêt. Encore une fois, pour moi c'est pas la question de il faut que ce soit au niveau du marché. C'est pas ça le critère pour moi, parce que là on reste dans la logique uniquement marchande. Non, mais peut-être pas au niveau du marché des autres taux d'intérêt, mais au moins au niveau précisément de l'inflation. Autrement dit, il faudrait que dans certains cas, c'est pas seulement. Ou qu'il n'y ait pas de taux d'intérêt. Pour compléter aussi, parce que c'est pour prendre un exemple très concret, pour que je ne suis pas en train de défendre le fait que les taux d'intérêt des micro. Les microcrédits soient importants. Et le raisonnement que font ceux qui ont justifié, et il y a eu un débat en France, c'est qu'en France, il y a une loi qui a fait sauter le taux d'usure à cause des microcrédits. C'est-à-dire que c'est les organismes, enfin, certains organismes de microcrédits, dont certains des institutions, qui ont demandé au Parlement de faire sauter le taux d'usure pour pouvoir accorder des prêts à des taux plus élevés que 20%. Citer la personne qui a demandé, c'est Marianne Lac. Donc c'est pas quelqu'un qui est parti avec l'idée d'exploiter, etc. La justification économique pour compléter aussi la réponse à votre question, c'est que quand vous prêtez 5 000 euros, 1% c'est 50 euros. Et l'accompagnement, si vous payez ceux qui accompagnent, ils sont très mal payés, avec 50 euros, vous payez pas beaucoup d'heures d'accompagnement. Et donc c'est pour ça qu'ils disent c'est normal parce qu'on prête à 3, 4, 5% de plus, parce que 5% c'est 250 euros. Et avec 250 euros, je ne paye pas grand monde en accompagnement. Mais l'accompagnement, ce n'est pas marchand. Non mais justement, la justification qu'ils donnent, c'est de dire l'accompagnement est dans le taux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que le prêter, on prête et on accompagne. Donc on rend un service et il est donc normal. Là on pourrait séparer les deux et dire à celui auquel on prête, on vous prête au prix. Je ne suis pas en train de défendre, hein. Je suis en train d'expliquer le raisonnement économique que certains utilisent pour justifier des taux d'intérêt supérieurs. Le déplacement en Inde, c'est effectivement, quand vous avez des clients qui sont à 20 km les uns des autres, ben, c'est pas la même chose que quand les gens viennent à les toucher. Donc il y a des justifications économiques qu'on peut partager ou ne peut pas partager, mais il y a effectivement, pour demander quelles sont les justifications économiques, ce sont celles-là. C'est le prix d'accompagnement. Il faut bien que je paye mes accompagnements. Et quand vous voyez le business model d'un organisme comme l'ADI, en fait, il donne beaucoup plus d'accompagnement que ce qui est compris dans le taux plus élevé. C'est-à-dire qu'en fait, il prête à zéro, pour répondre à votre question, et ils font payer 10 ou 15% d'accompagnement. Et pas être à zéro, parce que derrière, il y a des organismes, des banques, qui acceptent de leur prêter à zéro. Et si, évidemment, vu de l'extérieur, on se dit, les banques leur prêtent à zéro, ils reprêtent à 20. Ce sont des exploiteurs, je caricature toujours. Mais eux vous disent, on est tout juste équilibré, parce qu'avec 20%, on paye tout juste nos accompagnements. Ça ne peut pas marcher. Et alors, non, là où ça ne peut pas marcher, alors là où ça ne peut pas, la vraie question sur l'endettement, c'est l'utilisation de ces crédits. C'est-à-dire l'effet de levier. C'est-à-dire que dans les pays où ça a dégénéré, en fait, même, c'est que l'objectif du microcrédit, l'a dit quand vous allez le voir, qu'ils ont raison de rester sur ce chemin, ils disent on vous prête 5000 euros pour que vous puissiez redémarrer une activité économique qui vous permette de vous nourrir. Autrement dit, avec 5000 euros, vous créez 10-15 000 euros par an de valeur ajoutée qui vous permettent de vivre avec votre famille, avec 1000 euros par mois. C'est ça le raisonnement d'Apozzi. Donc on revient sur l'effet de levier économique qu'on a tous étudié quand on avait 18 ans. Et si cet effet de levier est maintenu, effectivement, 50 euros de plus ou de moins d'intérêt, ça joue assez peu. Si avec les 5 000 euros, la personne arrive à créer 15 000 euros de valeur ajoutée et donc de vivre et de rembourser le crédit au bout d'un an, deux ans, etc., la boucle est bouclée et la personne sort par l'eau du système. Si les 15 000, les 5 000 euros servent à acheter une belle chaîne, une télévision ou une belle voiture, un an après, la personne aura effectivement du mal. Alors, certains vous disent non, parce que la voiture peut servir à trouver un emploi. Bon, il y a encore des étapes suivantes. Vous voyez le raisonnement, c'est-à-dire qu'il y a eu des biais sur l'utilisation. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit très justement, les organismes ont dit c'est merveilleux, on prête de plus en plus, mais s'il y a eu accompagnement, quelquefois cet accompagnement a été mal fait parce qu'il a été dépensé à mauvais escient, et non pas pour créer un emploi, mais à toute autre chose. Voilà, je finis, parce que... C'était aussi, à mon avis, que justement l'accompagnement est ce qui devrait garantir que l'utilisation, en fait, les capacités de ce prêt pour créer de la capacité d'autogénération des revenus. Donc, le point clé, là, c'est l'accompagnement, en fait. L'accompagnement et l'utilisation finalement des 5 000 euros. Oui, mais justement, ce qui peut garantir que l'utilisation est bonne, c'est l'accompagnement. Beaucoup plus que les garanties financières que demande une banque classique quand vous demandez un prêt. Et c'est justement de mettre toutes les ressources à disponibilité de celui qui demande de l'argent pour que justement il puisse le rembourser. Et ça ne passe pas par la garantie financière, ça passe justement par tous les moyens qu'on va mettre à disposition de la personne pour que ça puisse réussir et puisse rembourser. Donc, créer son emploi. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que pour moi, cet accompagnement et ce taux d'intérêt peut être très différent selon les situations. Et que pour moi, c'est cette question d'ajuster et d'adapter autant le prix du service qui est prêté et que les conditions dans lesquelles il se fait selon les populations. Il y a des lieux, justement, ça passe par mieux réguler l'ensemble des institutions financières. Dans d'autres lieux où c'est des prêteurs privés, et on ne peut pas justement passer par là. Donc, c'est adapté, à mon avis, et l'accompagnement ne peut pas être le même d'une personne qui demande ici en France un prêt que de quelqu'un qui habite en Brousse, en Afrique, et qui demande un prêt. Évidemment, le type d'accompagnement et le coût de cet accompagnement est complètement différent. La notion d'accompagnement, elle nous paraît un petit peu... Un pendant de la relégation sociale. Il y a des gens qui ont besoin totalement d'être pris en charge parce qu'ils ne sont pas responsables. Alors que les gens qui vont dans une banque, un système de financement normaux, à la limite, on va juste un peu juger de leur solvabilité et en confiant celle-ci, on décidera la validité de leur projet, et donc on leur donnera un taux d'intérêt qui correspond un peu à leur risque. De certaine manière, je ne sais pas si c'est que l'accompagnement qui explique ces taux d'intérêt très élevés, ou est-ce qu'il y a quand même une contrepartie risque, je ne sais pas, je sais savoir des populations qui la disposition qui est donnée. Je pense qu'il doit avoir une partie risque aussi, je porte un risque en finançant ce genre de petites activités, on ne sait jamais. Effectivement, et là d'un coup, moi ça m'amène aussi comme raisonnement, c'est ces personnes qui portent le plus de risques, donc qui ont plus besoin de financement, qui vont payer le plus cher ce besoin de financement. Et ça ramène finalement encore une question qui est la place du crédit, la place du financement, est-ce que c'est pas un risque social? On aura tous besoin au cours de notre vie d'un crédit, et donc au même titre que la maladie, est-ce qu'on ne peut pas s'y assurer socialement? Et donc créer aussi un collectif qui gère ce risque. Et si on gère ce risque de manière collective et basée sur la réciprocité et la redistribution, ce cas-là, effectivement, on pourrait essayer de viser les taux d'intérêt. Et ça, le problème, c'est que dans le système du MES, ça ne marche pas. Par exemple, des fonds garantis, on a créé des fonds garantis pelletés entre 1950 et 1980, ils ont tous fait faillite parce que le système, ça ne marche pas. On est toujours dans une mutualisation, oui, trop d'impayés, les fonds garantis n'ont pas le temps de s'étoffer et donc ils sautent pour la plupart dans les 5 ans, dans les 10 ans parce qu'il y a trop d'impayés trop vite. Oui, voilà, ils survivent, mais ils sont subventionnés par la puissance publique. Et après, ils sont indemnisés, voilà. Parce qu'en plus, les cours de défaillance, je ne sais pas si on a des études dans les défaillances dans le microcrédit, c'est un truc intéressant à regarder, mais c'est que c'est beaucoup au début. C'est-à-dire qu'en fait, même pour les entreprises dans tous ces systèmes-là, d'innovation, tout ça, les gros de défaillance sont au début. Et quand on fait des modèles théoriques de rémunération du risque de crédit par la marge, par le spread, on voit bien que c'est entre 2 et 5 ans, en gros, qu'après la courbe est prise. Donc, c'est peut-être qu'il y a une adaptation technique importante. Parce que si y a un taux d'intérêt élevé, dans le schéma de levier qu'on dit, ça ne marche pas du premier coup, ça tombe. Il y a cet aspect effet d'Amoclès trop rapide dans ce système. Ce qui est très difficile aussi dans ces cas-là, c'est l'accompagnateur ou celui qui doit prendre la décision « je prête », c'est de dire « c'est le plus fragile, donc je ne prête pas ». Imaginez psychologiquement. Oui, c'est très difficile d'avoir passé quelques heures avec quelqu'un dans un grand état de fragilité, mais dont on sait qu'il ne pourra pas rembourser. Quand on est manqué, c'est pas grave, c'est la conduite. Mais là, on s'est quand même investi psychologiquement dans l'étude du projet de la personne qui est par un sens fragile. De se dire, je refuse de lui prêter parce qu'il est quasiment impossible qu'il rembourse. Mais c'est ça. Donc il y a, parce qu'il y a toujours une grande empathie chez les gens qui font de l'accompagnement, une grande difficulté, et ils ont beaucoup de mal à gérer, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs étages comme dans le manque, mais pour d'autres raisons. Plus l'empathie est grande, plus c'est difficile de dire finalement je vous rends service en refusant le prêt. Vous vous rendez compte, mais c'est pour ça qu'en général. Vous n'arrivez pas à manger tous les soirs, mais c'est pour vous rendre service que je vous refuse le prêt. Il faut y aller quand même. Hein. C'est vrai. Et ils doivent dire ça une fois par jour. Quand même. Mais dans l'accompagnement, justement, c'est l'un des points que je soulignais et qui est très intéressant, c'est que quand on refuse, on essaie de proposer des alternatives. Alors évidemment, c'est toujours limité, mais en tout cas, et c'est pour ça qu'il y a un réseau, c'est-à-dire quand on ne peut pas prêter parce qu'on sait que la personne n'est pas en capacité de monter le projet, c'est de voir vers où on peut l'orienter pour qu'il puisse quand même manger tous les soirs. Et ça, je trouve que c'est énorme par rapport à ça. Parce que ça veut dire justement que ce n'est pas simplement je vois si je peux lui prêter le service et s'il peut donc me rendre l'équivalent. C'est ce qui importe, c'est voilà, la personne pour qu'il puisse vivre dans les meilleures conditions. C'est au-delà du fait. Il y avait une question de Bruno et après, Bruno. Oui, je voudrais revenir sur Là, il me semble qu'on discute de la pertinence du théorème de Saint Matthieu, qui est on devrait être trop riche. Qui est, puisque c'est la catholicité, on ne peut pas rappeler cette forme. Et c'est vrai qu'a priori, on peut se demander quelqu'un qui n'a pas de revenus et à qui on prête, si on le surcharge d'un intérêt, de l'obligation de payer à un intermédiaire qui va lui dire comment il faut son corps pour devenir un petit entrepreneur lui-même, alors que voilà, déjà dès le départ, on sait que ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher pour une minorité, hein, parce que les conditions, surtout dans un contexte où les conditions macroéconomiques d'émission générale de la monnaie, des monnaies nationales officielles, sont restrictives, rigoureuses, et où les conditions macroéconomiques ne sont pas là pour qu'il puisse y avoir un auto-développement de l'emploi. Alors ça se fait souvent. Bon, alors ça c'est une première question. Revenons à la réciprocité échange et à la distinction marché-capitalisme, très important, parce que ça a conduit à ne pas confondre monnaie et finance. Or, dans la société capitaliste, la monnaie, à cause de la préférence pour la liquidité, devient automatiquement finance, hein, dès qu'on capitalise. Et alors que, et ce qui fait que les fonctions de circulation de la monnaie et ses usages en réserve de valeur sont confondus. Et ça, c'est pas bien, parce que c'est une contradiction essentielle dans le fonctionnement du système monétaire. Puisque la monnaie, c'est pour circuler, pour créer des échanges réciprocitaires dans les cycles cérémoniels, des mariages, tout ce qu'on veut, parce que dans ces pays où ça tourne justement en Inde, pourquoi ça se flotte, il y a une travaux d'Isabelle Guérin qui sont fantastiques là-dessus, hein, qui vous disent, parce que c'est investi dans les cycles des relations sociales, parce que ça sert à protéger, et c'est tout à fait rationnel. C'est réinvesti dans la réciprocité parce que la réciprocité est protectrice de la vie et c'est tout à fait rationnel du point de vue des dépôts. Et après, ça fait des effets de levier parce que ça ne se substitue pas aux anciens crédits, à leur ancien endettement. Au contraire, ça renforce. Puisqu'ils jouent, ils savent très bien mener leur portefeuille d'endettement. Les pauvres ne sont pas des idiots quand on prend en général, ils accèdent à la rationalisation de rationalité. Alors, à partir de ce moment-là, c'est très important on voit que le succès de l'émission des monnaies communautaires ou parallèles, sociales, tout ça, est beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce que là, c'est des monnaies qui se créent, des monnaies qui ne peuvent pas se capitaliser. Et c'est des monnaies qui sont créées par des systèmes mutuels, mutualistes. On a parlé de mutualité. C'est-à-dire que c'est des groupes qui s'endettent réciproquement et qui émettent un moyen de paiement collectif qui stimule des activités. Hein, et à partir de là, et ils ne pèsent pas sur eux, quand il y a quelqu'un qui ne peut plus payer, bon, ben c'est le collectif qui prend ça en charge, comme nous on fait, puisque c'est comme ça se passe pour un pays complet avec ça. Quand il y a un individu qui est en faillite, c'est pas le système qui se comporte pas. Là, c'est pris en charge par une assurance, etc. Et par contre, c'est complètement séparé de la microfinance. Alors, ça peut se combiner à partir du moment où c'est un réseau mutualiste. C'est-à-dire que, ce qui marche dans la microfinance, souvent, c'est quand un système de microfinance s'appuie sur une association qui elle-même émet aussi une monnaie, comme ça se passe au Brésil, dans beaucoup de choses. Alors voilà, le problème, il est que si c'est de la microfinance qui est activée par des acteurs capitalistes bancaires, etc., on est exactement dans les subprimes. Hein, parce que ça fait des effets de levier, ça fait des bulles. C'est impossible de penser que si on maintient le revenu constant des pauvres à la base dans leurs activités et qu'on les surcharge avec des charges d'intérêt, à terme, quand ils auront épuisé l'ensemble de leur portefeuille d'endettement chez l'usurier, ou ailleurs, par des moyens, etc., le système, dès qu'il va prendre son essor, qui va venir généraliser, les sources de crédit de service, on a une bulle, quoi. On a une bulle de ce point de vue-là. Il me semble. Alors, je pense que là, ça peut être discuté. Et par rapport à cette. Il y avait deux questions. Il y avait un extrait trop pauvre. Et moi, un extrait trop riche. Et je pense que par rapport à la microfinance, non, on ne peut pas dire ça. Et même si c'est vrai que ça crée les plus pauvres sans exclus, je suis d'accord. Mais je pense que le principe de la microfinance, ce n'est pas justement de sélectionner celui qui peut rembourser, c'est sélectionner celui qui, à qui on peut aider à développer les capacités nécessaires pour rembourser. Donc pour moi, la microfinance est tout à fait dans ce que Amartya Sen appelle des capacités, c'est-à-dire ce n'est pas seulement la capacité de pouvoir rembourser, la capacité de faire, c'est la capacité de faire et de devenir. Et donc, ce à quoi est partie la microfinance, ce n'est pas justement de dire, bon voilà, je vais voir même parmi les pauvres, ceux qui n'accèdent pas au crédit bancaire classique, et je peux peut-être leur prêter des petites quantités et vont pouvoir rembourser. Non, le but, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas de capacité dans ces gens-là et qu'on peut aider à développer pour qu'ils puissent en sortir tout seuls. Donc, c'est vrai. Mais alors, un point à ce moment-là, pourquoi on ne favorise pas plutôt l'émission de monnaie parallèle et commerciale et sociale? Pourquoi parce que là, ça ne fait pas peser cette contrainte à la fois disciplinaire politique de former le comportement des gens pour qu'ils puissent rembourser de l'intérêt à une banque qui s'enrichit ou à un organisme qui leur dit à leur place comment ils devraient se comporter. Alors que quand si c'est une monnaie, on ne fait pas grever, on ne greffe pas cet accroissement des capacités de toutes les personnes. Et alors, ça, c'est interdit. On est dans une époque de répression monétaire. La Banque centrale, on a vu ça quand se sont développés les seuils, on le voit partout. Il y a les autorités qui favorisent la microfinance, empêchent l'émergence et répriment l'émergence de ces monnaies locales. Ou les tolèrent que si elles restent petites et qu'elles puissent pas se développer. Alors que la microfinance est subventionnée et favorisée parce que ça correspond à un modèle tout à fait libéral de l'idée qu'on va faire de chaque individu un petit entrepreneur de lui-même. Et que c'est un modèle anti-salarial. Et voilà, c'est tout simple. Et c'est tout simple, et donc, il faut trouver des nouvelles formes d'autoprotection des individus. Alors, c'est vrai qu'il sait très bien qu'il faut un peu qu'il y ait des entrepreneurs de soi-même, mais en même temps, il faut donner des conditions pour que ça puisse arriver. Et donc, moi, je suis très défavorable à la microfinance et très favorable à la création de monnaie dans les communautés, les communautaires. Il y a une autre réponse. Hein, Et donc, au développement de la réciprocité. C'est un peu juste pour ne pas arriver, pour structurer le débat. Voilà. Après, il y a une question sur Corinne. Je vais commencer. Donc, Corinne Valézy, j'enseigne la sociologie politique et morale et la sociologie des religions, donc à la FAS. Donc, je ne suis pas économiste. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait par rapport à ce qui a été dit, c'est tout ce qui est ressorti, hein, finalement, c'est la question de l'ordre social, est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on remet en question. Et la question que j'avais, elle était double. C'était déjà la première chose, de revenir sur le concept de polygamie, sur la réciprocité, de le creuser. En quoi, finalement, est-ce que ce concept apporte une chose différente ou pas par rapport à tout ce qui a été dit? Et le mettre aussi en lien avec la notion de cohésion sociale. Parce que là, moi, j'ai du mal à savoir en quoi. Finalement, ce lien, c'est différent de ce qui existe déjà, par rapport en plus à tous les éléments qui ont été donnés. Et l'autre, qui est plus une remarque, c'est que donc, de l'extérieur, on ne voit pas très bien la différence, hein, je grossis sur la capture, entre le rôle d'accompagnement dans les réseaux, ceux qui ont refusé de prêt, et les conseillères en économie, c'est des institutions sociales, conseillères d'économie actuellement. Je ne vois pas très bien la différence. Sauf que là, ça part du côté économique pour aller vers le social. Alors que traditionnellement en France, c'est le social qui fait l'accompagnement à l'économie. Mais peut-être que je me trompe complètement, mais là j'ai plutôt l'impression que du coup, c'est l'économie qui prend en charge le social pour finalement des fonctions qui, moi, me semblent, de mon point de vue, relativement similaires, qui nous réinterrogent voilà, sur la réciprocité, sur l'interdépendance qui me semble très claire, et sur une dernière modalité qu'on n'a pas trop évoquée, qui est la question du statut des personnes. Parce que c'est une réciprocité, certes, mais forcément pour des personnes inégales. Et du coup, finalement, on se pose la question de l'identité de l'inégalité. Et du coup, cette cohésion sociale, est-ce que c'est une cohésion sociale fondée sur une inégalité de fait, une inégalité sociale, une inégalité en mouvement? Merci. Est-ce que tu veux répondre Comme tu veux, tu veux répondre. C'est comme tu veux, ou alors on fait un tour. C'est ce que je veux. Je peux répondre, et puis mais vous vouliez répondre. Non, mais je ne peux pas l'utiliser, on ne fait pas. Ah, ben, non, non. Alors, par rapport à ça, juste une remarque par rapport à ce que vous disiez. Moi, je suis d'accord avec les monnaies parallèles. Je pense que dans certaines situations, le cas du Brésil est très clair, pour certains types de populations et des besoins. Et c'est la meilleure solution, mais je pense que le microcrédit, ça peut l'être aussi, et dans certaines situations. Pour moi, ce n'est pas l'une ou l'autre, et je pense que le microcrédit, dans un cadre contrôlé, le problème c'est que justement, ça a perdu ce que pour moi est la nature même du microcrédit. Et il est devenu justement une institution de finance comme une autre, où la finalité n'est pas justement de financer l'activité réelle, mais c'est de faire des bénéfices financiers. Donc là, évidemment, ce n'est plus pour moi le microcrédit. Mais je pense qu'il peut avoir un microcrédit contrôlé. Mais bon, on peut pas être d'accord. Alors, par rapport à ces questions, je pense que la réciprocité, pour moi, c'est différent au lien qui crée le marché, parce que le marché crée un lien, même si ça vous mettrait mal à l'aise de dire que c'est du don contre don. Un lien entre marchandises selon Valras lui-même. Comment ? Un lien entre marchandises selon Valras lui-même. Oui, voilà. Et c'est vrai, l'accent est dans la marchandise et non pas entre les marchands, mais n'empêche qu'il y a un échange entre deux personnes. Ça va être évalué en fonction de la marchandise, mais il faut deux personnes qui échangent deux choses qui ont la même valeur. Donc voilà, je pense qu'on peut appeler ça donc contre-don dans un sens très, très réduit. Mais sans du monde. Bon, d'accord. Absence de l'intérêt commun et la façon de faire. Ce qui intervient dans la notion de temps contre don, c'est le temps. Alors que dans l'échange marchand, on est dans l'instant. On paye et c'est terminé. Alors que les procédés de don contre don entre les communautés créent du lien sur des générations, etc. C'est radicalement différent. Oui, mais c'est là où, justement, à mon avis, apparaît la question de la notion de réciprocité. C'est la notion de réciprocité pour moi qui introduit cette dimension du temps et qui dit que l'échange n'est pas évalué en fonction du bien, mais que l'échange est évalué en fonction du lien que ça crée. Et donc, pour moi, la réciprocité, justement, est différente du bien classique d'une société marchande, donc du lien qui crée le marché, parce que je crois que le marché crée du lien, mais c'est complètement différent celui de la réciprocité, parce que pour moi, la réciprocité crée une appartenance commune, fait que, justement, le principe du marché, c'est d'échanger et de devenir quitte quelque part par rapport à l'autre personne. Tandis que la réciprocité, au contraire, c'est créer une dette positive, c'est-à-dire c'est de créer en relation avec l'autre. Pour moi, la réciprocité, justement, si elle a démarré, c'est parce que c'est un lien qui est source de création sociale, qui est évaluée en fonction de tout social. Et ce n'est pas uniquement interdépendant, mais c'est en fonction de ce que ça construit en termes collectifs. Pour moi, c'est ça la différence entre réciprocité et un échange interindividuel comme celui qui peut exister dans le marché. Et que c'est énorme, parce que ça veut dire que le critère d'évaluation change complètement. C'est en fonction de ce qui est construit de manière collective et non pas uniquement évalué en termes de du bien. Moi, ce que je n'arrive pas à saisir, c'est comme la relation multimédia. principale qui est inégale, tu as juste la difficulté de discuter de tout ça, et du coup l'histoire du tout collectif, du... mais justement, justement, dans l'économie solidaire, les relations sont toujours inégales. Le commerce équitable. On va prendre un consommateur au nord, un petit producteur au sud, et les situations, les conditions sont dans une inégalité radicale. Et le consommateur du nord va accepter de, en général, de payer ce produit un peu plus cher que le même produit équivalent mais qui n'est pas équitable. Pourquoi ? Parce que justement, ce qu'il va prendre en compte, c'est les besoins du producteur et pas seulement la valeur marchande du bien. D'accord ? Et donc, ça veut dire que là, il y a une relation de réciprocité. Il y a l'échange se fait non pas en fonction de uniquement les intérêts du consommateur, se fait en fonction des besoins du producteur. Et donc, en achetant un produit du commerce équitable, quelque part, je dirais, le consommateur fait un choix politique. Parce que d'une certaine manière, il se dit, à travers mon acte de consommation, je contribue à créer un certain type de société dans laquelle ces petits producteurs peuvent vivre dignement. Donc, le choix de consommation individuelle est fait en fonction d'un choix collectif. Et c'est en ce sens-là que je dis, pour moi, là, le commerce équitable, c'est un bon exemple, justement, de cette relation de réciprocité, où l'échange n'est pas évalué en fonction de la valeur marchande du bien échangé, mais est évalué en fonction des besoins des parties. Et de dire, si j'achète ça, c'est aussi pour faire possible que cette personne puisse habiter dignement dans la communauté humaine. Voilà. Et alors, par rapport à la conseillère sociale, moi je n'avais jamais pensé, mais je trouve que c'est très intéressant parce que je pense que c'est radicalement différent. Et parce que justement, avec la conseillère sociale, ça veut dire que la logique économique est uniquement, on pourrait dire, financière, et le social est complètement un autre domaine. Et pour moi, ce que l'économie solidaire veut montrer, c'est que le social peut être à l'intérieur même de la logique économique. La conseillère sociale et économique est sujetée à la semaine dernière. Oui. Mais les deux sont à la fin, j'ai laissé son budget, son budget minimum. Oui, mais c'est un peu plus quand même, bien sûr, Là, c'était pour revenir sur ce qu'elle a dit, puis après, apporter, alors, j'avais un pratico-pratique, qui m'a raconté l'expérience du second de crédit. Non, je pensais à des moments, c'est avec Mandela, Fredon, avec Marcel Mauss. Moi, je dirais, et pour revenir, c'est sur le dominé-dominant, on est plus sur quelque chose de dépendant, effectivement, les gens deviennent dépendants. Et je vois moins comme quelque chose d'horizontal qu'on est toujours dans le vertical, on est toujours dans un. Alors, c'est une proposition, mais je crois que je le vois plus comme une dépendance et non pas une interdépendance, que je verrais plus de façon horizontale. Et c'est vrai qu'après, moi-même en disant effectivement, ça crée un lien durable parce que les gens ont des difficultés à rembourser, effectivement, on s'inscrit dans la durabilité. Mais pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on s'inscrit, c'est que vous avez une relation dépendante. Voilà. Et du coup, ça me rappelle pas. Et après, ça c'était une petite remarque. Après, effectivement, c'est Esther Duclos qui est beaucoup sur la formation par rapport au crédit, et qui a remarqué qu'effectivement, c'était ce qui pêchait avant, et c'est pour ça qu'on a maximisé, on a vraiment optimisé vers la formation. La formation, donc ça veut dire qu'il y a des accompagnants. Les accompagnants, finalement, font du suivi, contrôle. Voire donne des normes au comportement, enfin c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On revient un petit peu à ce qui a été fait avec les plans d'ajustement structurel, enfin pour moi c'est comme la norme, hein. C'est-à-dire que vous prenez de l'argent, mais derrière vous mettez quelque chose. Donc on est bien le don contre le don, mais pas très volontairement, pas très positif. Et pourquoi je vois un peu tout ça, parce que j'ai, avant dans une autre vie, j'ai bossé sur le crédit énergie dans une fondation en Afrique. Et on a mis en place un système qui était un schéma financier qui était injouable, infaisable, où on proposait, en fait nous en tant que fondation, on payait, on achetait un panneau solaire, qu'on installait ensuite parce que c'était le besoin des populations, et on a fait rentrer en fait le secteur bancaire. Donc on a greffé les caisses populaires à ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on n'était plus du tout plus directement en relation avec les bénéficiaires, on a mis une banque dans notre schéma. Parce qu'on s'est dit, après nous on va partir, donc il faut mieux que ça fonctionne directement entre des locaux en fait. Sauf que, alors ce qui est intéressé, c'est pour ça tout à l'heure vous expliquiez, effectivement une banque, pourquoi mettre des taux d'intérêt, bah, parce qu'elle doit faire un jour, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle paye des salariés, etc. Nous, on a réussi à ne pas proposer de taux d'intérêt à la banque, parce qu'on lui a expliqué que derrière, elle recrutait un nouveau client. Donc on n'est pas passé par une banque, et puis ça n'existait pas pendant ce temps-là, c'était il y a 2 ans, type Crédit Bio, on est passé par les caisses populaires locales qui connaissaient le contexte local, qui savaient comment parler aussi, communiquer avec les populations locales. Et du coup, il n'y a pas de taux d'intérêt parce qu'ils avaient un intérêt qui était haut, c'était de trouver de nouveaux clients, ouvrir des comptes à de nouveaux clients. Donc c'est vrai que cette question des 10% ou 20% comme le ministère du Fou, de taux d'intérêt, c'est une vraie question. Après, nous, on était peut-être, nous, les accompagnants, c'est-à-dire qu'on essayait d'aider les populations locales. Mais on est toujours dans un rapport comme ça, enfin moi je trouve qu'on est toujours dans un rapport dominant. Et les deux dernières choses, remarque, et puis après je laisse la parole, mais c'était notamment pour nous, nos projets, c'était derrière les populations, si elles arrivaient à obtenir effectivement ce prêt-là, c'était de s'orienter vers les fameuses AGR, donc les activités génératrices de revenus. C'est-à-dire que nous, vous avez un panneau solaire, c'est pas pour votre business, ça vous donne l'électricité, et derrière, il faut y aller dans un an, voilà, on part, on vous surveille tout. Donc ça, c'était intéressant. On avait fait un système qui était coopératif, mais ça, c'était vraiment intéressant. Ce que je voyais aussi, c'est l'autre point du garant. Il y a la Cofides qui existe, et que moi, je trouve formidable, parce qu'effectivement, si on dit peut-être que le problème, c'est pas le microcrédit ou les banques ou autres, peut-être que le problème, c'est l'accès à ce crédit, et donc, nous, on va se porter garant. Finalement, le cœur du problème, c'est peut-être simplement le garant. Et le garant peut peut-être avoir ce rôle d'accompagnateur ou d'accompagnant ou de contrôleur, parce qu'il est là et il prend un énorme risque, lui, beaucoup plus que la banque, parce qu'il a la responsabilité, la notion de responsabilité. Et ça, je trouvais que c'était un schéma différent. Alors, ça se met en place, hein, quand tu parlais avec la responsable, la CIRA, tout. Ils tentent, c'est vrai qu'eux, c'est presque des assistantes sociales. Hein. C'est ce qu'elle disait, parce qu'ils ont installé ça, c'est du boulot, c'est plus du boulot financier, hein. C'est du boulot vraiment d'accompagnement. Donc là, ça donne un autre acteur, on est encore dans un intermédiaire de plus, mais c'est intéressant. Et puis le dernier petit point, c'est ce que j'avais observé, c'est pareil, c'est des réflexions un peu spontanées. Pour nous, la grande difficulté, quand je disais lien durable, et pourquoi c'était infaisable, c'est toujours super ces projets-là, c'est la notion de temps. Alors c'est pareil, je ne veux pas faire de l'interculturel ou du culturalisme à l'outrance, mais on n'a pas la même notion de temps. C'est-à-dire que quand nous on installait les panneaux solaires, les gens avaient les panneaux solaires, avaient déjà ce qu'ils voulaient obtenir, ce qu'ils désiraient obtenir, ils l'avaient. Donc après ils me disaient, mais pourquoi vous voulez qu'on rembourse qu'ils sont là? Alors, bon, on avait une notion du temps qui était très différente. Moi, j'ai beaucoup appris, mais pour tout ce qu'on mettait en place comme action, à partir du crédit, c'est vrai que la notion d'investissement, c'est, moi, il me disait, vous êtes fou, quoi. Et je trouvais ça intéressant de repenser la question du temps, et nous, il avait fallu qu'on s'adapte, qu'on change aussi nos méthodes, pour comprendre ce qu'était le temps, pour comprendre ce qu'était l'investissement sur le terme. Quand on veut quelque chose, on est un petit peu en état de survie ou autre, on l'a tout de suite parce qu'on a de l'argent, donc il faut après payer après coup, puisqu'on a déjà l'objet qu'on désire. Donc, du coup, ça rejoint la notion du temps, ça se trouvait passionnant. Voilà. Juste pour faire un jeu de mots au début du temps, Corinne, ça va nous penser à ça. Au fond, au départ, de bien dur, etc. Je pense que finalement, solidaire, c'est solidus. Solidus en latin, c'est Michel. C'est pas du tout une finance créative, c'est une finance qui est presque très dure. C'était un jeu de mots facile. Mais solidus, c'est une notion de chaîne qui l'emporte sur la notion de plus en plus de l'autre. Par rapport au Caire, la Pietas qu'on a vu avec Sylvain Piron dans le séminaire il y a 3-4 séances, au fond, la Pietas, on prend en compte l'autre, parce que c'est la solidarité, on l'enchaîne en quelque sorte. Parce qu'on s'est dit qu'il y a des fois durable, mais en fait, on est dur. Parce que c'est juste un jeu de mots, mais le fond, parfois, le mot a un sens sur lequel on peut tisser quelque chose. Alors, juste un mot, on a décidé d'apprendre si on avait pensé finir à 7h, sauf si le débat a continué, mais si on veut, on peut continuer, parce que c'est intéressant, donc on peut continuer. un petit peu. Bon, très bien, voilà. Je laisse la parole. Comment? Je laisse la réponse, si tu veux. Oui, je vais vous pour préciser dans quelles conditions, alors, si vous êtes favorable au microcrédit, dans quelles conditions le microcrédit pourrait-il, c'est ça la question, être acceptable du point de vue de tous les crédits que l'on a demandé, c'est-à-dire, dans quelques mesures, est-il viable? Et en cela, il serait viable sans intervention extérieure, que ce soit du capital, de l'État, etc. Donc, pour moi, il faut une régulation. Non, mais, oui, mais pas d'injection de... Ah non, non, pas d'injection de fonds. Ah oui, une régulation ça. Juridique. Et, mais je vais, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, le manifeste qui est lancé, c'est justement les conditions d'une microfinance responsable et viable, je ne sais pas quel est le terme. Donc, si vous voulez, je vous envoie le lien pour que vous voyez les conditions, mais moi je pense. Et ce qu'ils disent, c'est, je pense, encore une fois, c'est à ce niveau de l'accompagnement, ce qui permet, c'est finalement ce qui permet justement de vérifier que l'argent va être utilisé en fonction d'une utilité sociale et non pas pour augmenter le bénéfice de celui qui prête. Donc, c'est dans tout ce qui fait le lien, et pour moi, là, c'est l'accompagnement, le lien entre celui qui a de l'argent et celui qui va en bénéficier du prêt. Mais ça, ça peut rester au niveau microéconomique, mais est-ce qu'il y a des conditions macroéconomiques, macro-monétaires essentielles pour rendre le viable? Ah oui, sans doute, oui, pour réguler le. Et donc, qui nous renverrait à la jonction entre cette finance micro et la macro-finance internationale, qui, elle, fait peser les petites macroéconomiques au niveau national, qui rend inviable la microfinance au niveau local. Vous voyez, que ce soit. Je ferai juste une petite remarque. La première, vous avez parfaitement raison d'insister sur le fait que le vocable microfinance, c'est un parapluie, mais il a un sens radicalement différent selon dans la zone dans laquelle il évolue. Je crois que c'est vraiment le. Et les mots parapluie, c'est difficile parce qu'après, ils portent des significations ambivalentes dans lesquelles on se prend le pied. Alors, dans le groupe dans lequel on appartenait, on a eu les deux expériences de microfinance dans un pays développé et une microfinance dans un pays en voie de développement. La microfinance dans le pays en voie de développement, elle est passée dans deux occasions par la forme coopérative. C'est-à-dire qu'on met ensemble des ressources et on crée un lien communautaire. Et ça, vous avez parlé des régions, c'est donc une coopérative de dames qui géraient des entreprises de coopérative. Et une deuxième, la création d'une coopérative en Pologne. Dans un moment, ils n'avaient plus d'argent. Donc, et les deux ont été des réussites. Parce que là, il y a effectivement, on tombe sur un tissu de gens qui sont capables de se prendre en charge. Et en Afrique, ça a été le moment. Les mamans qui ont suggéré le temps, les femmes. Hein. C'est les mamans. Parce que là, c'est enfant ou mère. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Hein. C'est les mères qui ont tenu la famille. Et puis en Pologne, parce qu'on est tombé sur des gens qui avaient une aptitude à organiser ce lien social et à développer un organisme qui a atteint une taille éminemment respectable. Après, donc ça, c'est vrai, c'est un petit peu, sont des situations, j'allais dire, à la fois très communes, mais bien particulières, dans lesquelles le terme microfinance peut s'appliquer. Et je dirais qu'il y a une notion un peu méprisante, parce qu'on s'aperçoit que ce qui permet de sortir en lien dans ce contexte, c'est très très peu moyen par rapport à ce qui est mis en place dans les pays développés. Parce que là, le prix du travail humain, le prix du temps n'est pas le même. Mais je dirais que c'est la finance classique qui fait appel au vieux ressort qu'on a connu au Sénégal, c'est la microfinance. Après, il y a le deuxième aspect, c'est la microfinance dans un système développé. Moi, je suis assez sensible avec ce que vous dites, effectivement, le système bloque, prend en sa robe un droit d'exclusivité de la création monétaire, et par le jeu de la création de l'oligopole, on a une massification des besoins et une moyennisation, une standardisation, ce qui fait que vous avez toute une partie de population qui ne rentre plus dans les critères moyens d'élaboration des produits dans les conditions d'élaboration dans lesquelles ils sont rentables pour l'oligopole. Donc il y a toute une partie d'activités, et je ne parle même pas de personnes, d'activités qui sortent de la sphère économique normalisée. Et ça, après, on revient à parler de micro, parce que non pas c'est micro-macro comme vous disiez, c'est micro-société, c'est-à-dire société à taille unipersonnelle ou quotidienne personnelle, par opposition à oligopole à taille transnationale ou nationale. Même un grand établissement, on dirait qu'il n'aurait qu'une activité française, par rapport à l'activité d'un village, ça vaut l'entreprise transnationale pour un petit pays. C'est-à-dire, mais ça, c'est complètement différent. Et après, c'est comment je recrée une capacité d'offre correspondant à un besoin dans un système dans lequel l'oligopole a capté par la massification, par la réglementation, une capacité à offrir le service. Alors après, moi, c'est dommage que notre camarade là soit parti, parce qu'il a posé le terme en termes de relégation. C'est pas le problème de relégation, c'est de dire je massifie et puis après j'organise l'oligopole, mais après je réduis ma capacité d'offre. Et dans la mesure où je suis le seul à pouvoir déterminer, à pouvoir tenir le discours public sur ce que doit être un crédit, un emprunteur et un créditeur, après il est facile, même sans le démontrer par une espèce de vertu d'évidence, que effectivement ça c'est plus du crédit. Vous voyez ? Alors qu'au départ, ce que vous appelez microfinance, c'est du crédit normal entre des populations normales qui cherchent à accéder à des termes d'activité qui n'auraient choqué personne il y a une quarantaine d'années. Vous voyez, moi je crois qu'il faut bien penser ça, c'est dans un contexte sous-développé, enfin de pays très faiblement développé, les petits montants qu'on qualifie abusivement de microfinance, c'est l'exercice normal de génération d'une capacité de faire une relation temporelle entre une consommation immédiate ou un besoin immédiat et puis une capacité de créer des revenus à terme, et dans des conditions tout à fait normales. Et puis la microfinance, qui est une façon sociale de venir recréer une capacité de produit que on peut appeler ça le système, mais c'est un peu trop connoté positivement. Le système s'est arrangé pour faire disparaître et en n'en exprimant plus le besoin. Et alors, du coup, ça donne, vous voyez, le dialogue avec Thierry qui était splendide, c'est de dire, il vous disait, mais c'est normal, parce qu'il faut payer les gens, les accompagnants. Donc, il rendait compte d'un service qui est quasi marchand. C'est pas mon discours, je reprends. Oui, mais le discours en français, celui de Marie Novak, qui était toujours là, ben, c'est normal, parce qu'on doit vivre, nous aussi, et donc, et on recrée une activité en dehors d'un système qui a lui-même normalisé la fonction d'offre. Elle a peut-être plus créé d'emplois d'accompagnateurs. Moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le système, dans la perspective de Schumpeter, le système, c'est très monopole et l'oligopole. Et donc après, pour vivre avec le poids de sa structure, il élimine des franges de gens qui ne sont pas capables qui ne rentrent pas dans le cadre de la transaction. Oui. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien meilleur qu'il y ait un accompagnateur d'une petite entreprise qui parle en professionnel de la finance plutôt que du domaine de l'assistance sociale. Vous voyez, une chose est d'aider, de dire aux gens, ben, vous savez, un budget, ça se fait, il faut mettre des boîtes comme papa, maman, comme moi, les boîtes, etc., les économies, bon. Ça, c'est une chose. Puis après, il y a dire, bah, la réalité économique, c'est quoi? Un crédit, c'est qu'il faut générer un revenu pour la surprise. Enfin, je ne sais pas si cette vision... Oui. La même question se pose, d'ailleurs, sur... parce que on est très co-riche, effectivement, ça peut paraître choquant. Moi, je pense qu'il faut prêter, effectivement, qu'à ce qui peut rembourser. En fait, c'est le principe de ça. Donc, c'est eux qui profitent le plus de l'effet de levier. Donc, il y a effectivement quelque chose de choquant là-dedans. Mais ne prêter effectivement à des gens qui ne peuvent pas rembourser, ça ne peut pas leur rendre service. Et donc, il y a une autre case, c'est celle du don. C'est-à-dire qu'effectivement, et en France, on est très structuré autour du don parce qu'il y a une loi qui est très favorable à ça, et donc il y a tout à l'heure un système autre que le microcrédit qui fonctionne en parallèle, qui est le système du don et des aides par des organismes qui ne font pas que de donner, justement, et qui eux aussi accompagnent. Oui, mais ça, c'est limite, parce que le don, après, c'est le socialisé. Exactement. Et après, ça vient. Il y a ce débat. Il y a l'éternel débat. Est-ce que le don aide plus la personne à s'en sortir qu'un crédit qu'elle doit rembourser? Alors, ça dépend des personnes et ça dépend des situations. Ça dépend de l'accompagnement. Exactement. Des conditions concrètes. Il y a des gens qui, de toute façon, ne pourront jamais rembourser le crédit, donc le don pour les aider. Il y a des gens qui deviennent des assistés éternels parce qu'ils peuvent toucher bon en permanence. C'est ça, donc là, la réponse, c'est celle de vous. Je voudrais dire quelque chose sur le don. Entre les personnes, c'est entre les communautés, c'est très très différent de l'échange immédiat. On ne peut pas faire tendre le temps vers zéro. En plus, c'est pas des, on est dans des relations entre des groupes, entre des échanges. Sorte, on échange des femmes, il s'est pris dans tout un système de relations qui n'a pas grand chose à voir justement avec la question de l'échange d'argent. Oui, de l'échange, en fait, ça veut dire le temps de la zéro, le don, le temps de la zéro. Ah oui, ça, dans certaines situations, le temps de la zéro. Le don tel qu'on conçoit en France, c'est-à-dire je fais un don pour assister quelqu'un, ça ne crée pas vraiment une relation. Non. Et à la limite, tant mieux, parce que la grosse relation tant mieux, le long terme, ça pourrait être une relation de dépendance. Non, vous avez raison, je n'ai pas. On ne parle pas de la petite affaire. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Parce qu'effectivement, dans certaines sociétés, et le don contre don, d'ailleurs, ce n'est pas le bon dont on parlait. Oui, vous avez tout à fait raison, je suis parti. Ne confondons pas le don et le don contre don, dans le sens. Il y a beaucoup de littérature sur le don, mais ce type de don aussi, est, par exemple, quelqu'un comme Paul qui a beaucoup écrit sur le don, il a certains types de dons contemporains, même sans qu'il y ait cette relation directe avec le bénéficiaire, crée, parce que ce qu'il dit, c'est un don. Crée un lien social et donc il y a réciprocité. Pas seulement, le don appelle au bénéficiaire à devenir à son tour donateur. Et donc, même s'il n'y a pas une relation directe, il y a ce lien qui se crée. C'est-à-dire, chacun n'est pas appelé à rembourser, mais à devenir à son tour donateur. Et donc, quelque part, ça, on peut le retrouver dans le don contemporain. Mais bon, c'est tout un débat et c'est différent, mais. En tout cas, je suis d'accord que pour moi, le don dont vous parlez, c'est ce que j'ai voulu plutôt dire avec la réciprocité. Est-ce que même on arrête là, c'était réuni, est-ce qu'il y a d'autres questions, les mois d'une nuit, on arrête là, peut-être, surtout sur d'autres questions. C'est bon? Bon. Oui. Déjà, on te remercie beaucoup pour cette introduction à un sujet qui semble devoir susciter des réflexions multiples. La première séance de séminaire est un travail pour fixer, pour définir ce qu'on voudrait faire pour l'année prochaine. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Ce sera une sorte de discussion pour proposer des votes à l'élection pour l'année prochaine. Voilà.